Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On va revenir ensemble ce soir sur le Grand Prix de Singapour qui a eu lieu ce week-end sur le circuit de Marina Bay. C'était la 18e manche de la saison. Alors, il en reste encore 6 hein, puisqu'on a une saison très très longue. C'est vrai que 18 manches, ça aurait été une saison complète il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, une course remportée par Lando Norris devant Max Verstappen et Oscar Piastri. Voilà, un week-end qui a été chargé en piste avec pas mal d'actions et aussi hors piste avec pas mal de déclarations et de petites luttes, on va dire, de pouvoir et de mauvaise foi. Donc on va pouvoir revenir sur tout ça évidemment, et des fois de bonne foi. On est deux ce soir pour en parler. Avec moi il y a Franck. Ça va Franck? Salut, bah écoute, ouais, ça va très bien. Un Grand Prix de Singapour, ma foi, assez plan-plan, on va dire. Un peu, on va pas dire que c'est la purge non plus, mais c'est vrai qu'on avait connu plus animé. Il y a quelques temps de cela à peine, donc voilà, et puis effectivement, bah, beaucoup de choses à dire sur ce Grand Prix, plutôt côté coulisses, on va dire, donc voilà, prenez vos popcorn, on va un peu casser du sucre ce soir. C'est vrai qu'on a des choses à dire, et pas que des gentilles. Effectivement, tu dis, on a eu plus animé, c'était le premier Grand Prix de l'histoire à Singapour sans voiture de sécurité, donc voilà, c'est quand même quelque chose de nouveau. On se rappelle que la toute première édition, c'était Nelson Piquet Jr. qui a mis la première voiture de sécurité de Singapour en piste en se crachant volontairement sur les ordres de son patron. Mais en tout cas, pas de drama en course cette année. On a eu quelques petites choses, mais c'est vrai que c'était globalement une course beaucoup plus calme que ce à quoi on s'attendait. Il y a eu presque plus d'animation dans les séances d'essai, hein, comme ça reste Singapour, donc il y a toujours quand même quelques petites choses. Mais voilà, ça a été effectivement assez calme. Donc une victoire largement, bon, on va pouvoir commencer de toute façon directement dans le vif du sujet avec McLaren, hein, puisqu'une victoire de Lando Norris avec plus de 20 secondes d'avance, plus de 40 secondes d'avance sur son équipier aussi, qui termine 3ème. Norris fait la pole, il gagne la course et il mène tous les tours. Il y a juste le meilleur tour qu'il n'a pas eu, on y reviendra un petit peu plus tard, puisque c'est Daniel Ricciardo qui l'a pris, sinon il aurait fait son premier grand chelem en carrière, donc voilà, ça fait quand même une très très belle course. Et puis Oscar Piastri s'est qualifié 5ème après une petite erreur dans son tour rapide en qualif, et puis il est remonté jusqu'à la 3ème place donc pour signer un podium, et plus que doublé, c'est surtout ça la grosse information, plus que doublé l'avance de McLaren au championnat constructeur sur Red Bull qui dépasse largement 40 points. Et donc là on voit une tendance de se dessiner, contrairement au championnat pilote où finalement McLaren et Norris surtout n'a pas tant gagné que ça. Oui, alors on va dire enfin un week-end hyper propre pour Lando Norris, un petit peu ce week-end qu'on attendait pour lui depuis un petit bout de temps. Ça a été parfaitement exécuté. Voilà, la pole position enfin convertie, voilà, il a mené effectivement à la fin du premier tour aussi, c'est pas fait avoir par Max Verstappen au départ, donc ça aussi c'est à noter, parce qu'il s'était quand même fait avoir 7 fois ou 8 fois de suite, je crois, chaque fois qu'il partait en première ligne ou en pole, je crois qu'il s'est fait avoir. Donc là, bah, voilà, il a même augmenté son avance au départ, en fait, parce qu'il est largement devant au premier virage. C'est ça, donc il a réussi effectivement à tenir le rythme au départ, et puis ensuite à creuser au fur et à mesure, voyant, je pense, que son adversaire direct, qui était Verstappen sur ce Grand Prix, en fait, il n'y a quasiment que lui qui a joué avec Norris. Hein, on va pas refaire de spoil, mais je pense que tout le monde a vu le Grand Prix, ou au moins a vu les résultats, et voilà, à part Verstappen qui a essayé de titiller un petit peu Norris, et encore, c'était vraiment qu'au départ, sur les premiers tours, on a vite vu que la McLaren, y compris en rythme de course, était supérieure sur ce week-end-là. Donc, sans faute. Pas tout à fait, parce qu'il a quand même failli nous la mettre dans le mur deux fois, Lando. Donc, on discutait pendant le Grand Prix avec Manu, c'est ça. Là, le fameux Grand Prix Monaco de Senna en 88 qui ne sait pas s'arrêter et qui attaque, et qui a envie de mettre la misère à tout le monde, et finalement, ça, par péché d'orgueil, ben, il la met dans le mur. Là, Lando a frôlé une barrière de Tech Pro et a légèrement frotté son aileron avant. Et il a aussi frotté, ben, je crois que c'était le même endroit que Russell l'an dernier, sa roue arrière droite, et ça aurait pu très mal se finir pour lui dans ces deux occasions-là. Donc, je pense qu'il va falloir qu'il se tempère un petit peu sur ce genre de choses. Même si on peut comprendre qu'il faut garder le rythme, que c'est important, etc. Mais là, il a peut-être fait un petit peu trop. Ouais, mais c'est vrai que tant qu'il avait le meilleur tour en course en tête, en fait, il a continué à attaquer. Alors c'est vrai qu'après ça a été un peu comme, parce que Senna à l'époque avait dit c'est parce qu'on lui avait demandé de ralentir que ça l'avait perturbé, mais au final Norris a très bien exécuté ensuite le ralentissement en fin de course où il a vraiment perdu 1 à 2 secondes par tour sans problème, en sachant qu'il en avait quasiment 30 d'avance à ce moment-là, donc il a pu vraiment prendre le temps de perdre du temps et gagner la course quand même. Mais c'est vrai que finalement, lui aussi, c'est une nouvelle étape dans sa carrière, c'est de découvrir comment on gère ses courses. Alors, il l'avait très bien fait à Zandvoort où il avait gagné avec beaucoup d'avance. Là, c'est quand même plus compliqué parce que c'est un circuit urbain, donc la moindre faute, ça peut être game over. C'est vrai qu'il y a principalement sa faute où il abîme un peu son aileron qui est vraiment. Il en est fallu de quelques centimètres finalement pour que sa course se termine là. Mais voilà, c'est vrai que c'était assez impressionnant à voir, de voir quand même maîtriser ça. Et puis au final, c'est quand même 25 points de plus. Et bon, alors, ça n'est que 7 de plus que Max Verstappen. C'est un peu là où ça pêche pour McLaren, c'est que finalement, ils espéraient faire une grosse opération, mais ils ont eu affaire à un Verstappen d'un très haut niveau, on y reviendra après. Et du coup, au championnat, ça cale un peu. C'est vrai qu'autant le championnat constructeur, désormais, ils sont ultra favoris et ils semblent largement partis pour le jeu gagné. Autant le championnat pilote, à ce rythme-là, il faudrait beaucoup plus que 6 courses pour y arriver. Et maintenant, Verstappen peut même se permettre de terminer deuxième derrière Norris tout le temps, et globalement terminer toujours derrière Norris, juste derrière lui. Pour être champion. Donc c'est un peu compliqué. C'est là qu'on voit l'intérêt d'Oscar Piastri, justement, c'est que avec la même voiture, il devrait être capable de signer le doublé. Alors pareil, on disait ça aussi chez Red Bull, hein, avec Verstappen et Perez à l'époque, et c'était pas toujours le cas. Donc heureusement qu'il y a encore un petit peu un facteur pilote dans tout ça, puisqu'on a une grille qui est ultra serrée, donc c'est très intéressant à suivre. Sinon, si effectivement le classement des Grands Prix était uniquement dicté par les performances des voitures, je pense qu'on serait vite un peu ennuyé. Donc c'est bien qu'il y ait un peu ce facteur humain là, mais c'est vrai que Lando aurait vraiment besoin que Oscar soit plus au niveau, se rate pas effectivement sur ce coup-là en qualification, et puisse, avec son rythme de course, aller chercher quelque chose. Mais Lando pour aussi ne pas dire merci à Charles Leclerc, qui avait une super voiture aussi, et qui se rate aussi en qualif, et qui avait le rythme de course, peut-être pas pour gagner, mais pour faire bien mieux, certainement la deuxième place. Donc je pense qu'effectivement Lando va aussi un peu prier pour que Oscar, Charles, Carlos et compagnie se réveillent un petit peu et se glissent entre lui et Max, quoi. Et donc il y a un trou, hein, il y a un trou clairement qui est possible d'occuper. Donc effectivement le titre de Lando il va forcément dépendre de lui, évidemment. Il va dépendre, on en parlera aussi après, des évolutions de Red Bull à Austin, mais il va aussi dépendre malheureusement aussi des autres équipes et des autres pilotes. Donc ça donne une saison, une fin de saison hyper intéressante. Attendons de voir, effectivement, c'est bien, ça se rapproche au fur et à mesure. Et on va pas tabler forcément tout le temps sur des doublés Norris Verstappen à chaque course, parce qu'il y a pas mal d'autres protagonistes. Mais c'est vrai que par coup de 7 points, c'est pas encore assez, quoi. Donc voilà, c'est même par coup de 8 points, si même il marque le point du meilleur tour en course, et qu'il finit même devant Verstappen sur tous les 3 sprints, ça suffit pas non plus pour un point, justement, ce fameux point dont on reparlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est bien. Après, certains ont suggéré que, et André Stahl y a répondu, c'est que il avait telle avance à un moment, c'était presque 30 secondes d'avance, qu'il s'arrête une nouvelle fois pour aller choper le point du meilleur tour en course. Clairement, André Stahl a dit que c'était pas du tout le jeu actuellement, parce que ils n'en sont pas encore à compter au point par point, et ce genre d'action-là, c'est un risque, toujours. Voiture bloquée au stand, roue bloquée, écrou qui ne veut pas s'en aller. Accident. C'est accident, et puis vous n'êtes pas à l'abri, effectivement, qu'il y a une contre-attaque derrière de Perez, ou d'une équipe qui n'est pas censée jouer, mais qui s'appelle RBF1, pour aller vous priver de ce meilleur tour-là aussi. Donc voilà, c'est pas encore le jeu. Ça pourrait le devenir si ça se resserre énormément en fin de saison, mais pour l'instant on est malheureusement pas à prendre un tel risque pour un point, quoi. C'est ça, hein, c'est vrai que ça serait un gros risque, et c'est un peu la problématique pour McLaren. Elle est un peu dans ce que tu dis, c'est à dire que on attend de Piastri qu'il soit plus devant. Le problème, c'est que les week-ends où il est vraiment très bon, il est aussi parfois devant Norris, et Norris n'est pas toujours juste derrière. Donc en fait, pour mettre les consignes que McLaren voulait mettre en place, c'est même vraiment compliqué. Pour l'instant, ça s'est pas présenté une seule fois. À Monza, ils auraient pu lui offrir 3 points en le faisant terminer deuxième, mais à part ça, c'est vrai que ça ne s'est pas présenté pour la victoire, en tout cas, et ça complique un peu la donne de McLaren. Bon, après, de toute façon, ils ont toujours été outsiders. À aucun moment, ils ont été favoris pour le titre pilote parce qu'ils partaient avec un retard énorme et qu'ils ont toujours un gros retard. Donc ça reste compliqué. Mais alors, c'est vrai que c'est un peu toujours le scénario qu'on disait il y a 2 ou 3 courses. c'est que Norris n'a pas le droit à l'erreur. Lui, au premier abandon, bah, c'est fini pour le titre. Par contre, c'est vrai que si jamais, par exemple, Verstappen abandonnait et que Norris gagnait à Austin ou Mexico, on va dire, bah, ce serait vite relancé parce qu'il resterait, il resterait plus tant de points d'écart que ça, on serait à 37 points, je crois, 35 points. Donc, non, moins, on sera à 52 moins 5, on sera à 27, ce serait presque à l'équivalent. Et 27, oui, oui, c'est 52, pas 62. Donc voilà, effectivement, donc un 25-0, on serait, pour le coup, ça jouerait très très vite. Donc c'est un peu ce que doit espérer McLaren aussi, hein, c'est vraiment un week-end sans Verstappen. Mais le problème, c'est que. Alors c'est vrai que finalement, on peut rapidement passer à Red Bull, parce que le problème, c'est que Verstappen n'a pas vraiment de week-end sans. Les week-ends sont. Les mauvais week-ends sont plutôt liés à sa voiture. Et. On fera peut-être juste la transition entre les deux sur le fait que McLaren a signé aujourd'hui le responsable de la stratégie de Red Bull. Alors il annonce comme futur directeur sportif, mais sans date. Et Red Bull a vite contre-attaqué avec son porte-parole qui a dit mais Will Courtney, puisqu'il est quand même de lui qu'il s'agit, c'est encore une très très grosse prise du côté de McLaren qui avait déjà chopé Rob Marshall chez Red Bull, dit quand même non mais il a encore un contrat jusqu'en 2020, enfin, jusqu'à mi-2026. Et on compte bien ce qui reste. Donc, toujours pareil, hein, ça va être un jeu de négociation derrière sur les prix à vie, sur les libérations anticipées, tout ça. Voilà, mais pour faire la transition effectivement entre McLaren et Red Bull, c'est parfait. Et ce qui prouve bien effectivement que cette équipe Red Bull, elle est devenue à fuir, hein, clairement. Hein, parce que là, c'est. Y a, à part Christian Horner, je veux dire, il reste plus grand monde. Et Jean-Pierre Lambiadze, on va dire. C'est ça. Hein. Dans et Anna Schmidt, quoi. Et Anna Schmidt est la stratégie qui va sûrement prendre du galon, parce qu'elle, elle était responsable des stratégies en course, du coup. Mais Will Courtney faisait des fois le même travail qu'elle, et des fois, il était à sa place ou quoi. Ça peut arriver selon les disponibilités, ou selon les missions qui étaient affectées à l'un et l'autre. Mais effectivement, après, il reste Pierre Waché à la technique, et puis voilà, les autres qui sont dans la plupart des grands noms de Red Bull sont déjà partis ou vont partir, quoi. Donc c'est assez compliqué pour eux, et c'est vrai qu'alors là du coup le Grand Prix de Red Bull, il est un peu symptomatique de ce que vit l'équipe depuis pas mal de temps. C'est-à-dire Verstappen termine deuxième, Sergio Perez termine dixième, Verstappen s'était qualifié deuxième, Perez s'était qualifié treizième, et au final c'est même pas une bonne course pour Perez puisqu'il gagne ses trois places au départ, derrière il reste planté à la dixième place tout le long. Et et après l'éclaircie de Bakou, on retrouve déjà sur un circuit urbain pourtant le Perez qu'on espérait ne pas revoir tout de suite, en tout cas pour le bien de Red Bull et puis pour son bien à lui. Mais Red Bull va de nouveau devoir lutter avec une seule voiture, a priori, si on en croit un petit peu ce week-end. Ouais, alors déjà juste pour Perez, on va commencer par lui pour une fois. Mauvaise stratégie effectivement de Red Bull sur ce coup-là, je pense, parce qu'effectivement il laisse trop longtemps dehors. Et Carlos Sainz l'a démontré, il valait mieux s'arrêter un peu plus tôt que les autres et profiter d'une piste libre derrière, même quitte à retomber très loin dans le peloton, hein, c'est pas tellement ça le problème. Mais comme vous êtes sûr de ne faire qu'un seul arrêt, autant profiter effectivement de tous ces tours sans aucune monoplace à chasser devant vous pour grappiller du temps, hein, clairement. Une piste libre, ça joue énormément. Hein. Lando Norris disait que dès qu'il se retrouvait derrière un retardataire, c'était vraiment une horreur, tellement l'air sale joue. À Singapour entre les murs et tout ça, c'est ça a vraiment un effet important. Et donc voilà, Carlos Sainz, c'est comme ça aussi qu'il réussit à grappiller pas mal de place par rapport à sa position après le départ. Donc voilà. Donc là il y a une petite erreur stratégique quand même de Red Bull qui lui coûte peut-être deux ou trois places à l'arrivée, donc je tiens quand même à le signaler. Mais bon, on n'est pas sur le Pérez des grands jours sur un circuit urbain. Ce qui du coup m'amène à faire la transition sur Max Verstappen, qui je trouve a été absolument royal par rapport à la voiture qu'il a. Il était exceptionnel. Il qui effectivement à la sortie son grand Max Verstappen, parce que Singapour ça n'a jamais été sa tasse de thé, ça n'a jamais été facile pour Red Bull là-bas. La voiture elle est toujours un peu de briques et de broc entre différentes solutions pour tenter de compenser les rebonds. Il y en avait encore. Je pense vraiment que c'est par ses qualités de pilotage qu'il a réussi à compenser un peu les faiblesses de la voiture ce week-end. Et c'est vraiment ça qui a mis un petit coup en plus par rapport à Perez. Voilà, donc là je voulais juste vraiment saluer le pilotage de Max Verstappen ce soir parce qu'il a plus que limité les dégâts, hein. Il a en fait le meilleur résultat possible avec la voiture qu'il avait, en profitant effectivement aussi quand même un petit peu, on l'a dit, de l'erreur de Ferrari en qualification, notamment pour Leclerc qui pouvait jouer, je pense, la deuxième place sans aucun problème en termes de rythme de course sur ce Grand Prix. Ouais, c'est vrai que bon, Verstappen, moi j'y reviendrai après. J'ai une question sur Perez dans le chat. Vardon qui demande pour Perez, Red Bull espérait peut-être une safety car. Je pense que déjà Red Bull espérait une Oui. meilleure qualification pour Perez au départ. Parce qu'en fait, le plan c'était là, c'est déjà un plan de secours quand tu en espères une safety car. Mais évidemment, comme tous les pilotes qualifiés dans la deuxième moitié de peloton, le but c'était d'avoir une safety car pour essayer de faire un petit pari et avoir une opportunité, quoi. C'est valable pour tous les pilotes qui ont fait durer leur premier relais. C'est en fait, il fallait le faire durer jusqu'à éventuellement arriver une voiture de sécurité. En fait, il fallait s'arrêter soit assez tôt, comme l'a fait Carlos Sainz, soit assez tard en tentant effectivement le pari de la voiture de sécurité. Mais s'arrêter entre les deux, en fait, n'a aucun sens parce que vous êtes un peu dans le flou de la stratégie, sans y gagner par rapport à là où vous retombez après après votre arrêt, et sans profiter d'une éventuelle voiture de sécurité après. Donc effectivement, soit il fallait s'arrêter très tôt, soit essayer de capitaliser sur une voiture de sécurité qui, pour la première fois, comme on l'a dit, n'est pas intervenue. Je crois qu'il y a même, il n'y a pas eu de voiture de sécurité virtuelle, et je crois même qu'il n'y a pas eu de drapeau jaune, hein, Non. si je me trompe pas. Hein. Donc c'est quand même assez fou. Donc bah bravo, ils ont été à la hauteur, hein, tous ces pilotes, même si à la fin, ils étaient quand même pas frais. Hein. C'est vrai qu'à Pour la la fin, il y a plupart. eu. Ouais, à la fin, je pense que l'absence de safety car, du coup, joue beaucoup dans ce genre de cas, Oui. puisque quand il y a une safety car, vu que c'est souvent beaucoup de choses à déblayer, machin, il y a toujours 5, 7, 8 minutes, voire 10 minutes de break où les pilotes ont le temps de se refroidir. Là, ça a été à fond. Et c'est un peu le problème, hein. C'est vrai que pardon, on dit Sergeant t'es parti, c'est pour ça. C'est un petit peu méchant, mais pas forcément totalement faux. Mais surtout, oui, voilà, les pilotes étaient vraiment exténués à la fin. Piastri a quoi comparé un peu ça au Qatar l'an dernier. Russell et Hamilton n'ont pas fait le point presse parce qu'ils étaient vraiment pas frais. Et même les pilotes qui ont normalement l'air bien bien frais en sortant de la voiture, je pense à Norris, à Verstappen, Piastri ou Leclerc, étaient vraiment totalement rincés, quoi. Donc. Ah, c'est 1h40 de sprint quasiment parce que Alors, les pneus tenaient vraiment bien le coup en plus, donc c'était moi, ouais, il des peut attaquer. tours. On a d'ailleurs vu j'ai vu d'ailleurs le relais de Verstappen sur la fin, c'est son deuxième relais, c'est d'une métronomie Oui, incroyable. c'était Et fou. pour ce genre sortir ce genre de choses, ben voilà, il faut vraiment être. C'était pas des tours en 1h40 quoi, la pole était un peu moins d'une 30, c'était en une 35, une 36 sur la fin, ça veut dire que ça envoie quand même assez fort quoi. Ça roulait fort, ouais. Et ça roulait fort avec 33 degrés dans l'air, ou 31. Avec donc à peu près 50 degrés dans les cockpits, hein, parce qu'il y a le moteur qui est juste derrière, et avec 80% d'humidité. Donc c'est un cauchemar, en fait, tout simplement. C'est Et ça. voilà, c'est vrai que c'était très compliqué. Bravo à tous les pilotes, évidemment, pour leur préparation. On ne répétera jamais à quel point ce sont d'incroyables athlètes. Et puis, effectivement. Juste chez Mercedes, il faudra qu'ils enlèvent un petit peu l'option au siège chauffant. On Oui. sait que c'est une Mercedes, hein, c'est pas C'est besoin ça. de le montrer à chaque Grand Prix. S'il n'y a pas de siège chauffant dans une Mercedes pour une fois, c'est pas bien grave. Mais en plus, normalement, une Hein. Mercedes qui a siège chauffant, elle a l'option siège ventilé aussi, donc ils auraient dû installer ça parce que. Ah, mais ça. Ah, Il y c'est vrai avait que c'est. plus. C'est le plafond budgétaire après, tu sais, Ah oui, merde. il fallait faire un choix. Ouais, bah, je crois qu'il vaut mieux rien du tout, du coup. C'est ça. Non, c'est vrai que là, c'est compliqué. C'est plusieurs courses où ils se plaignent de la chaleur, et là, ça les a bien, bien Ah, mis dedans. la batterie doit être bien placée, à mon avis, Ouais, dans cette voiture. je pense que la batterie doit être assez proche de l'avant. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu. En tout cas, pour Red Bull, bah comme toujours, on revient au schéma classique qui est Verstappen, qui est la garantie absolue de Red Bull. Il est toujours là, il ne fait pas d'erreur, même quand il. En qualif, il y a son tour qui est annulé puisqu'il passe sous les drapeaux jaunes de Sainz. Il se reset et puis il retourne faire un tour super rapide alors qu'il n'avait pas forcément une voiture qui méritait la première ligne. Donc ouais, il y a toujours ce côté où il arrive toujours à être quand même en symbiose avec sa machine, ce que n'arrive pas à faire Perez, et du coup il arrive toujours à grappiller comme ça un tour parfait à un moment ou à un autre. Donc là-dessus c'est Verstappen, on n'est pas surpris qu'il soit excellent, mais c'est vrai que après deux grands prix où on l'avait vu un petit peu résigné autour du top 5, top 7. Et ben là, on l'a vu finalement avec un petit peu plus de compétitivité, se dire je vais tout donner. Et une fois qu'il avait un podium en vue, en fait, il l'a pas lâché, quoi, tout simplement. Donc là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est assez impressionnant. Et puis, alors, on peut immédiatement, je sais pas si, non, on verra après pour le façon, pour tous les transferts chez Red Bull, ce sera plutôt chez côté de RBF1. On Je peut vais juste peut-être, rajouter un petit mot sur Red Bull parce qu'en oui. fait l'avenir de leur championnat, alors pilote peut-être pas parce que c'est pas, mais l'avenir du championnat constructeur se jouera évidemment à Austin avec les évolutions puisqu'ils disent avoir compris maintenant ce qui s'est passé, d'avoir retracé depuis Barcelone 2023 quand même la première erreur Ce dont Sergio Pérez s'est targué en conférence de presse en disant, voilà, mais évidemment, la voiture était tellement dominante et Max s'en sortait bien que personne ne m'écoutait. Bon, ma foi, ça peut être un point de vue qui se défend. Donc voilà, l'évolution d'Austin qui doit vraiment corriger les problèmes d'équilibre de la RB20. Et si effectivement ces évolutions-là permettent de remettre Max en selle par rapport au McLaren et Pérez de nouveau dans le coup pour des bonnes positions, le championnat constructeur n'est pas tout à fait perdu. Il sera quand même assez difficilement rattrapable. Parce que Pérez, c'est pas. Enfin, le duo Verstappen-Pérez, c'est pas la même chose que le duo Norris-Piastri en ce moment, par rapport et à la qualité des pilotes et à la qualité des voitures. Mais si les RB20 évoluent quand même dans le bon sens, on peut quand même avoir quand même encore un match pour le championnat constructeur. Donc voilà. Et évidemment, si elle évolue dans le bon sens, ça sera quand même beaucoup plus difficile pour Norris d'aller chercher le titre pilote. C'est ça, hein. Déjà que là, vu comme ça a évolué, c'est déjà compliqué. C'est vrai que ça peut être rapidement la fin de ses espoirs. Et donc Max Verstappen, du coup, on va faire une petite transition, mais on va commencer par lui, qui a aussi défrayé la chronique et le week-end par sa décision, alors déjà par la pénalité qu'il a reçue, puisqu'il a été pénalisé pour avoir. En fait, il y a eu des interviews jeudi en conférence de presse sur le langage. Puisque en début de semaine, on a eu un mot de la FIA comme quoi ils allaient interdire les mauvais, tout ce qui était jurons et tout ça dans les conférences de presse. Et puis, ils ne voulaient pas que ça soit diffusé à la radio parce que ce n'était pas au standard de la F1. Verstappen, qui avait déjà été averti à Las Vegas l'an dernier, tout comme Vasseur, a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. Il a répété les mots qu'il avait dit. Donc c'était des citations de mots qu'il pouvait dire à la radio en disant bah en gros quand par exemple ma voiture est pourrie, donc le mot en F en anglais fucked, pour nous on peut le citer, c'est pas notre langage, mais et ben je vais pas dire autre chose à la radio parce que c'est le cas en fait. Il dit c'est vraiment une façon de décrire la voiture et que c'est une façon de dire que ça ne va pas. Et puis bah du coup vu qu'il a dit ça en conférence de presse, il a pris une petite sanction qui est de travaux d'intérêt généraux, donc forcément ça a défrayé la. Ça, déjà, ça a pas mal apporté de critiques sur la FIA. On aura nous-mêmes de critiques à dire après, mais surtout, Verstappen a décidé de ne plus parler vraiment en conférence de presse, c'est-à-dire des réponses monosyllabiques ou avec un seul mot, et puis de faire ses petits points presse de manière, comment dire, sauvage dans le paddock en sortie de conférence en disant. En précisant au journaliste Tom Clarkson qui fait les interviews que c'était pas de sa faute, que c'était pas contre lui qui voulait pas énerver, mais qu'il ne voulait plus s'exprimer en conférence de presse de la FIA, puisqu'il ne pensait pas qu'il pouvait dire ce qu'il avait dans la tête, tout simplement. Donc ça a été très très bon. Moi j'ai trouvé ça personnellement excellent. Alors ça mène un petit peu le débat suivant qui est. Moi j'ai plusieurs questions sur ce sujet, comme ça je te laisse la parole. C'est un, est-ce que Ben Sulayem, le président de la FIA, n'a pas des combats plus importants à mener? Deux, est-ce que les pilotes sont vraiment maîtres de ce qu'ils disent à la radio dans le sens où eux, au départ, ils le disent en vase clos et puis ensuite on le diffuse à la télé? Et trois, est-ce que finalement les pilotes peuvent réussir, parce que là on a vu quand même que Verstappen était soutenu par Hamilton, soutenu par enfin, quasiment tous les pilotes en fait, est-ce qu'on peut réussir à avoir les pilotes faire plier la FIA sur ce sujet? C'est un grand débat tout ça. Hein. Donc, Ouais. alors FIA, je mettrais peut-être avant de citer la FIA comme problème sur ce coup-là, peut-être plutôt Mohamed Ben Sulayem, parce que j'ai l'impression qu'il a fait un petit peu cavalier seul sur cette histoire. Peut-être en prenant même de court lui-même ses propres officiels et commissaires de piste, Possible. enfin commissaires de course, sur le fait qu'effectivement les pilotes de F1 doivent surveiller un peu plus leur langage. Il y a un peu de vrai quand même sur pas mal de choses. Après, en diffusion à la télévision, c'est quand même bipé en général. Enfin, je ne crois pas avoir vu de jurons qui soient passés au travers du bip. Maintenant, des fois, c'est vrai que c'est une succession de bips. Peut-être que ça en fait trop. Alors, là aussi, peut-être à voir du côté de la FOM, si la FOM s'amuse de ça aussi. Déjà qu'ils s'accordent leur violon entre la FIA ou alors Ben Sulayem et la FOM pour dire si c'est des successions de bips, ne les passez pas, et puis voilà, et puis ça restera effectivement des conversations entre les pilotes et les équipes, et puis au moins ce problème-là sera résolu. Pour moi, sur la partie course, adrénaline pure intense, y a pas, on ne peut pas surveiller son langage. C'est déjà une telle adrénaline comme ça, c'est forcément des mots courts qui sortent beaucoup pour comme ça. Verstappen, qui est obligé de communiquer en plus en anglais, qui n'est pas sa langue natale, forcément, il va au plus court aussi pour faire comprendre à ses ingénieurs ce que c'est. Et le plus court, c'est effectivement le mot F, que tout le monde comprend et que tout le monde utilise même dans son langage quotidien. Et comme il a expliqué en conférence de presse, ils n'ont pas 5 ans ou ils n'ont pas 6 ans, et même les gamins anglais de 5 ans ou 6 ans, ils disent fuck, même si c'est pas très bien, pas très poli, on est d'accord. Ils le disent aussi dans les cours de récréation, dans les cours d'école, et si c'est Bien pas sûr. eux qui, et si c'est pas eux qui le disent, c'est leurs parents, et si c'est pas leurs parents, c'est leur grand frère ou leur grande sœur, etc. Bref, c'est inévitable. Donc, sur le coup de l'adrénaline, ça, sur la partie radio, tout ça, pour moi, c'est juste une histoire de conversation entre la FIA et la FOM pour savoir. Est-ce que si effectivement c'est une succession de jurons, on passe les bips ou pas? Bref. Ensuite, les pilotes se tiennent un peu mieux en conférence de presse. Franchement, j'ai pas vu de problématique là-dessus sur un seul mot. Je veux dire, si la conférence de presse de Verstappen avait été une succession de jurons, oui, évidemment, il faut agir. On n'est pas là pour entendre des pilotes jurer, mais ça n'a jamais été le cas. Les transcripts des conférences de presse sont toujours disponibles, et ce n'est jamais le cas. Donc, et parfois, effectivement, il y a du langage un petit peu populaire, des choses comme ça, mais des jurons, c'est extrêmement rare. Et même le mot F, quand il y est, il y a les étoiles qui vont avec. Et c'est quand même extrêmement rare aussi. Donc je pense que Ben Sulayem, effectivement, comme tu le dis, il fait un peu cavalier seul. Il est en train de se trouver de nouveau un petit combat à mener personnellement, quitte à se mettre à dos encore une fois tout le monde, y compris Hamilton, voilà, puisqu'il a effectivement comparé ce langage-là au langage de rappeur. Donc, voilà, il a dit quand même, c'était quand même Un petit cliché au passage. un petit cliché au passage, effectivement, et c'est un petit peu raciste aussi, comme il expliquait dans ses déclarations. Et voilà, donc. Que les pilotes, effectivement, en conférence, tiennent leur langage, oui, c'est normal et tout. Maintenant, pour un juron ou un mot, qui n'est même pas un juron, c'est du langage commun, en fait. C'est du langage commun. On n'est pas sur le retarded qu'avait utilisé Tsunoda à une époque, effectivement, où Pardon. c'est pas le sens retardataire, c'est le sens attardé, donc ça touche à la santé mentale ou au handicap, et c'est pas du tout approprié. En plus, on n'est pas sur une attaque envers une personne. On est sur une attaque envers un objet, envers une situation. Donc voilà, il n'y a rien de personnel dans tout ça. Et donc le GPDA, donc effectivement, la saison des pilotes de Grand Prix, va se saisir effectivement de tout ça. Et clairement, aller au front. Parce que même les commissaires de course ont sympathisé avec Verstappen lors de son audition, en disant, oui, ben, on nous a demandé d'appliquer ça. Voilà, on sent vraiment qu'ils étaient obligés d'appliquer ce que Ben Sulayem leur a demandé, quoi. Et donc magnifique Verstappen, magnifique réaction de Verstappen, qui a effectivement boycotté par des réponses très laconiques les conférences de presse, ben, du coup, du samedi et du dimanche. Comme il était dans le top 3 en qualif et top 3 en course, il était l'un des invités de cette conférence de presse qui suit ou le top 3, ou la qualif, ou le podium. Vous avez toujours des questions de la part du présentateur, puis ensuite la question des journalistes. Et même aux journalistes, il a refusé de répondre dans cette salle, en fait. Et lui, qui a été le premier à critiquer les meetings avec les journalistes et les médias beaucoup trop nombreux et répétitifs pendant les week-ends, a décrété de son propre chef de tenir donc des meetings médias parallèles, juste en sortie de conférence avec les journalistes pour donner vraiment son vrai point de vue. Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment un pied de nez à la FIA. Voilà, pour nous, effectivement, qui suivons la F1, qui nous basons aussi beaucoup sur ces déclarations-là pour vous apporter de l'information et des précisions sur une course, sur autre chose, c'est très important. Pour le grand public qui ne fait qu'éteindre sa télé après le Grand Prix et qui se contente de ça, pour lui, c'est transparent, il n'a rien vu. Il n'est même pas, peut-être même pas au courant de cette affaire. Donc voilà, pour ceux qui suivent la F1 sur Internet, qui suivent un petit peu plus, voilà, tout ça, effectivement, il y a matière à polémiquer. Pour les trois quarts des gens, ou 90% des gens qui font que regarder à la télé, ils n'auront jamais eu vent de cette histoire. Et donc, c'est pour moi, je trouve que c'est absolument, bon, encore une fois, un merdolino, si c'était l'émission appropriée, à M. Ben Sulayem et à ses idées complètement débiles, où il cherche toujours à rajouter de l'huile sur le feu sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Voilà, donc, bon, j'ai dit, ça serait juste partie de l'intention de. On fait attention au langage, à la radio, à ce qui est diffusé pour ne pas donner le mauvais exemple. Ok, d'accord. On passe plus autant de bips, c'est un choix. Mais aller au-delà, pour sanctionner un pilote juste pour un seul mot, comme ça en conférence de presse, non. Voilà, donc voilà, clairement, Verstappen sur ce coup-là a 10 000% raison. D'accord, moi je voulais rajouter quand même parce que pour notre Greg, le ami. siffle nous dit. Ah, si quelqu'un d'autre a le même problème, moi j'ai rien du tout en retour. Oui, parce que nous, forcément, on est entre nous deux, donc on peut pas entendre. Ouais. Mais oui, moi j'ai enfin j'avais un petit message pour Monsieur Bensoulayem, c'est que la seule fois où il a pris une Formule 1, il est monté dans une Formule 1, il a pris le départ, il l'a craché au bout de 20 mètres, et j'aurais aimé avoir sa radio à ce moment-là, savoir si quand il est sous adrénaline, lui, il reste poli et aimable, donc parce qu'au final c'est vraiment ridicule comme façon de voir les choses. Et encore une fois, la FIA a tellement de combats à mener. Il y a des combats sur la sécurité qui restent parce qu'on n'est jamais à la fin. Il y a les combats sur. Il y a la réécriture du règlement sportif hein, qu'on attend toujours depuis 2021, qui était son grand chantier. Il y a le fait que la FIA, c'est avant tout de l'automobile et pas du sport auto. Donc, Mohamed Ben Sulayem pourrait aussi aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de la sécurité routière et ce genre de choses, comme le faisait beaucoup Jean Todt, puisque c'était. En fait, c'est ça le rôle premier du président de la FIA. Il y a le fait que son grand chantier, c'était le WRC, et que le WRC est en train de mourir devant ses yeux, et qu'apparemment, finalement, il s'en fout complètement. Et au final, je pense qu'il s'est rendu compte que la F1 est beaucoup plus populaire que le reste des attributions qu'il a, et il essaye de se montrer comme étant le patron de tout ça. Donc on est typiquement sur une guerre de territoire et guerre d'ego. Avec quelqu'un qui essaie juste de montrer que c'est à lui que ça appartient et que c'est lui qui décide. Et vu qu'en fait, eh ben, il n'y a pas grand-chose à décider sur le reste, puisque tout roule globalement, et que les décisions au quotidien en Formule 1, c'est pas à lui de les prendre, c'est au commissaire, eh ben, il décide de trouver des petits combats comme ça, qui sont à mener pour lui, mais qui sont absolument ridicules. Et moi, je trouve que, enfin, je suis très content que les pilotes aient l'air de ne pas vouloir faire les sanctions. Hamilton a clairement dit que si lui, on lui donnait des travaux d'intérêt généraux pour l'intérêt général, pour avoir juré à la radio ou en conférence, il n'irait pas, il boycotterait la sanction. Il a dit qu'il espérait que Verstappen le ferait aussi. Et moi, je suis totalement d'accord avec eux. J'espère vraiment que ça va, enfin, que ça va vite être oublié et enlevé, quoi, parce que et je pense. Verstappen a juste dit à Hamilton, enfin, il a dit, c'est facile pour lui de dire ça parce que c'est pas lui qui est puni, donc. Oui, c'est sûr, mais je peux. Boycotter une sanction de la FIA, je ne suis pas sûr qu'il faudrait s'y attarder tout de suite. D'ailleurs, je pense même que le commissaire qui n'a infligé qu'un travail d'intérêt général à Verstappen, c'est lui aussi pris une mise à pied parce que je pense que Ben Sulayem, il espérait bien un petit 25 000 euros Maman. d'amende, histoire de continuer à renflouer les caisses de la FIA. Bah c'est ça, il y a un gala à Bakou à préparer, donc enfin, du coup, ce ne sera pas à Bakou, j'imagine, mais. Non, c'est au Kenya cette année. Ah, c'est au Kenya cette année. Ah oui, non, c'était l'an dernier à Bakou. Oui. Autant pour moi. Mais c'est vrai que. Ouais, moi, je. Enfin, je. C'est absolument ridicule. La FIA fait vraiment. Enfin, Ben Sulayem, en fait, donne une mauvaise image de la FIA. Et ça, je comprends pas, parce que normalement, on est censé avoir un directeur ou une directrice de la monoplace. On est censé avoir des gens qui gèrent les différents pôles. Et lui, qui supervise tout ça. Et il ne faut pas oublier que quand il a dépassé les limites en début 2023, il a ensuite fait machine arrière en expliquant qu'il ne serait plus impliqué directement en Formule 1. Puisqu'il voulait laisser de la place et pas outrepasser ses droits et ses fonctions. Chose qu'aujourd'hui il fait totalement. C'est-à-dire que là, il ne fait que ça. En fait, il outrepasse absolument tout ce qu'il a enfin, tout ce qui est dans le cadre de son boulot, en Bon, fait. on l'entend quand même beaucoup moins qu'avant, c'est clair. Mais quand on l'entend, c'est toujours pour certaines conneries. Donc bon, C'est ça. au bout d'un moment. C'est ça. Et puis encore une Oui. fois, il y a tellement de chantiers que la FIA doit gérer avant ça, il y a tellement de questions qu'elle doit poser. Il y a la question de certains trucs de sécurité qui vont toujours pas, je suis désolé. Il y a des circuits qui vont quand même pas. Il y a, alors vraiment, si la FIA voulait, si Ben Sulayem a des combats à mener et qu'il a envie que les choses soient plus justes et plus droites dans le monde, parce que les gens disent fuck et que c'est pas beau, il peut aussi gérer par exemple le fait qu'au calendrier de la Formule 1, aujourd'hui, sur la moitié des circuits, ce sont des pays qui sont dans le dernier quart du classement des libertés individuelles, libertés de la presse. Qu'ils vendent le cul de la Formule 1 pour aller en Azerbaïdjan où il se passe des guerres, pour aller en Arabie Saoudite où les gens sont mis en prison pour leur orientation sexuelle ou parce que ce sont des femmes et qu'elles n'ont pas de droits. Voilà, et en fait, si vraiment il a des combats sociaux à mener, on peut lui en faire une liste. Et puis, comme ça, il pourra ensuite aller les mener dans son coin. Parce que vraiment, je pense qu'il y a plus important que les pilotes qui, de temps en temps, disent fuck devant des conférences de presse qui, a priori, ne sont pas regardées par les enfants de 5 ans. Parce que je pense que finalement, les courses avec les radios, on n'entend pas très bien quand les pilotes disent fuck. Et au pire, bah, c'est un pilote qui s'énerve à la radio parce qu'il a eu un problème. Et encore une fois, les conférences de presse sont diffusées exclusivement sur la télé britannique. Donc ça, c'est vrai que c'est effectivement le langage qui est utilisé. Mais encore une fois, je pense pas que les enfants de 6 ans regardent Sky après les Grands Prix ou les qualifs pour voir ce que les pilotes ont à dire. Donc, Je suis même pas sûr que la conférence de presse soit diffusée sur la Sky. Si? je crois que si, il me semble. Si? D'accord. Ouais. Mais en fait, surtout, et encore, c'est peut-être même plus le cas, parce que c'est diffusé sur la BBC avant, mais je sais pas si du coup ça a Ouais, duré ou non, pas. je crois pas, parce qu'ils ont quand même leur poste à eux, donc Ouais. ça rentrerait en conflit. Donc non, je crois qu'ils ne diffusent plus du tout. Hein, c'est... Donc voilà, donc en fait tout le monde s'en fout et les seuls qui ont les transcripts de ces fucks, c'est nous, les gens qui vont sur le site de la FIA ou qui voilà, qui les journalistes qui sont sur place, qui le voient et en fait généralement, comme tu disais tout à l'heure, on a tous les transcripts de la FIA tout le temps et il n'y a pas, enfin il n'y a jamais de pilotes qui disent fuck en conférence de presse en fait. C'est ça. Donc c'est absolument ridicule. Voilà, moi je suis totalement outré par cette façon de faire. La FIA. On nous a juste posé la question, il se termine quand son mandat? Fin 2025, puis ça fera 4 ans du coup, puisqu'il a pris la succession de Jean Todt de fin 2021. Bah, il faut maintenant espérer qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se présente face à lui. Maintenant, on saura de la qualité de son candidat et des votes qu'aura son. Pardon, pas son candidat, son opposant, Oui. si effectivement il était très apprécié au sein de la FIA, ou s'il y aura vraiment du dégagisme. Parce que certes, il a aussi fait de bonne chose entre guillemets qui est de renflouer une partie des caisses, pas totalement, mais bon, en négociant un peu mieux avec la FOM et sur certaines choses, voilà. Mais à part ça, effectivement, en termes d'action, on n'a pas vu grand chose, quoi. Je veux dire, il y a eu effectivement des choses sur certains pays, par contre, sur la partie sécurité routière, genre de choses, qui était un peu le cheval de bataille de Jean Todt, ça a été assez limité. Donc ouais, ça sera très intéressant l'élection de la FIA l'année prochaine. S'il y a un opposant, s'il arrive à prendre dessus sur Ben Sulayem, ou si Ben Sulayem sera très largement conforté dans sa position, et de là, il nous dira effectivement à quel point il est soutenu ou pas, s'il irrite ou pas en interne. Mais bon, on sait qu'il irrite quand même pas mal, puisqu'il a quand même pas mal de secrétaires et de directeurs divers et variés qui sont partis, après être venus même au bout de quelques mois seulement, ou quelques semaines. Voilà, je crois que ouais, le mieux, ça doit être un an, je crois, pour certains. Donc voilà, ça va être très intéressant à suivre l'année prochaine, je pense. Netflix pourrait faire une émission, d'ailleurs, je pense, là-dessus, ça serait Ouais, pas mal. ça c'est certain. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, puisque en fait, je pars du principe que ce serait une bonne chose qu'il s'en aille, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que même s'il a de l'opposition en interne sur les hauts rangs de la FIA, il est très populaire au niveau des présidents de clubs nationaux. Oui. Et j'ai peur que le soutien vienne de là et que ça permette de le garder, en fait. Il y a beaucoup de clubs effectivement Asie, Moyen-Orient, Afrique où il est effectivement très très soutenu. Donc Ouais. même Amérique du Sud. Donc ça fait énormément déjà de votes en sa faveur. Donc C'est ça, hein. à vous rappeler Harry Vatanen, il voulait être président de la FIA, il n'a jamais Par réussi. Mais bon. exemple, par exemple, ce serait bien. Non, mais c'est vrai qu'il y aurait plein de candidats qui pourraient être très bien, mais ouais, On va envoyer Paul sinon, parce qu'il n'a rien à faire. pas. Allez, qu'il aille un peu qu'il aille se pencher sur ce règlement technique un peu, C'est ça. et puis qu'il laisse les pilotes tranquilles. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est. Alors oui, effectivement, comme le disait Hamilton Le Cire dans le chat, qui pose pour la première fois, bienvenue à toi. Enfin, qui a posté ça pour la première fois, la FIA a elle-même les mains liées. Vous savez bien que, quel que soit le milieu, dès que c'est public, il faut avoir un langage sans juron. Ben Sulayem suit les ordres. Alors, oui, le fait que les gens veulent un truc sans juron quand c'est public, c'est vrai, spécialement les diffuseurs télé, mais Ben Sulayem ne suit les ordres de personne. Ben Sulayem, il est en haut de la pyramide. Donc, c'est. En fait, si jamais vraiment il y a quelque chose qui lui déplaît, au pire, il explique qu'à la FOM qu'il ne faut pas diffuser, ou les diffuseurs se penchent sur le problème avec la FOM pour savoir ce qui est diffusé, etc. Mais le. Les conférences de presse, vu qu'elles ne sont pas diffusées à la télé, déjà, bah, lui, il a, enfin, c'est que un truc de la FIA et ça tourne en vase clos sur FIA FOM. Et après, c'est juste ça, quoi. Donc, il n'y a pas de, il répond à aucun ordre, en fait, Ben Sulayem. Il est au sommet de la chaîne alimentaire au niveau FIA et du coup, les décisions qu'il prend et les combats qu'il mène, ce sont les siens et juste les siens. Et ça, faut bien s'en rendre compte. Et pour conclure juste sur le sujet, parce que ça quand même peut avoir, comme dit, très répercussion, c'est une des raisons, un des facteurs, une des clés qui pourrait aussi forcer Max Verstappen à se détourner de la F1, puisque lui, la F1 trop tendre, c'est pas trop son truc. Donc s'il peut pas être lui-même et porter ses idées, ses opinions et ce qu'il a à dire, ça le détournera encore plus vite de ce sport. Puisque, comme il l'a souvent dit, il a bien d'autres choses en vue que la F1 après sa carrière, qui normalement va au moins jusqu'en 2028, mais bon, quand on sait ce qu'est l'équipe Red Bull, c'est peut-être moins, c'est peut-être encore moins sûr. Donc voilà, il a Le Mans, il a du GT, il a plein d'autres choses à faire, il a envie de faire plein de trucs, ce garçon. Donc c'est bien de ne pas penser que F1 aussi dès le départ, et pas s'accrocher à son baquet, même si je pense que s'il a envie de rester jusqu'à 40 ans, il aura certainement le. S'il a l'envie, il aura certainement le talent pour le faire, mais s'il a aussi envie de faire autre chose, c'est parfaitement compréhensible. Et donc effectivement, ce genre de polémique à 3 francs 6 sous, désolé pour l'expression d'avant-guerre, mais c'est juste pitoyable. Ça fait un peu de clics, ça fait un peu d'audience, ça fait un peu ramener des internautes, mais ouais, ça anime un petit peu les coulisses. Mais voilà, je pense qu'à Austin, j'espère que ça sera éteint, que GPDA aura pu mettre son petit grain de sel là-dedans et que tout le monde aura retrouvé ses esprits, notamment Ben Sulayem. Sachant que a priori les pilotes, je sais plus qui en a parlé, mais quand le premier a dit qu'il avait été, quand Verstappen, je crois, a dit sur le groupe WhatsApp qu'il avait été sanctionné pour ça, ils étaient tous outrés et apparemment ils sont tous un peu foutus de la gueule de la FIA en disant mais c'est n'importe quoi. Je pense que si la FIA va trop loin, à mon avis, les pilotes vont se rebeller. Et alors certes, ils ont fait piller sur pas mal de choses récemment, mais au bout d'un moment, il faut bien qu'ils se rendent compte que les pilotes ne plieront pas sur tout. Que des grèves, ça pourrait arriver, quelque chose comme ça pourrait arriver. Et même si le cadre aujourd'hui réglementaire autour des pilotes est fait pour qu'il n'ait pas vraiment le droit de s'opposer à ce qui est fait au niveau des fédérations et de la F1, enfin de la FOM et tout ça, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'ils imaginent que les pilotes sont comment dire, ont une patience illimitée, quoi. Ah, t'imagines, petite grève à Austin, tout le monde se met d'accord pour pas courir, et puis finalement, Lando Norris prend le départ tout seul, et met 25 points dans la vue à Verstappen. Dernier moment, il met sa voiture sur la grille. Ça serait bon, ça. Bon. La trahison ultime. Non, mais Norris, lui aussi, était un peu gavé par tout ça, parce qu'il a dit que c'était ridicule. C'est ça. En fait, il n'y a aucun pilote qui va être d'accord avec la FIA, et ça, faut bien qu'il s'en rende compte, Ben Sulayem, c'est que là, il mène son combat tout seul, quoi. Hier, j'ai bien aimé, d'ailleurs, le petit tacle de Piastri dans la cool room qui dit à Lando, et si tu aurais dû décrire sans utiliser de jurons ton petit moment chaud avec les barrières. Il a dit fun. Ouais, c'est ça. Fun. D'ailleurs, Verstappen s'est amusé en lui disant tu aurais dû lâcher les freins comme ça pour que la voiture finisse dans le mur. Donc voilà, en fait, c'est. Ah non, non, je pense pas que c'était un mauvais conseil. Quand tu relâches les freins, tu retrouves du train avant. Ah oui, tourner, ouais, mais là, en fait, je pense qu'il aurait repris un peu trop de vitesse. En fait, s'il avait relâché au moment où il était très près du mur, je pense que. Ouais, non, je pense pas que c'était malveillant le commentaire. Ouais, tu crois? Non, je pensais que c'était une blague, mais parce que c'est vrai que bon, après, je pense qu'il a fallu qu'il lâche beaucoup, bien plus tôt dans le virage pour que ça passe. Donc voilà, pour la FIA, c'est fait, hein, c'est un petit peu tendu. On verra si ça a des suites sur la saison, parce que c'est vrai que là, du coup, si c'est un peu comme les piercings, comme les boxers et tout ça, qui étaient des combats un peu ridicules, mais un peu plus justifiés, parce qu'il y a quand même des raisons de sécurité autour de ça. Ça devrait se prolonger sur quelques courses. C'était ce qui nous avait amené à voir Hamilton venir avec 4 kilos de bling autour de lui en conférence de presse, et ce qui nous avait amené à voir Sébastien Vettel mettre un boxer par-dessus sa combinaison avant un départ, donc c'était quand même assez drôle. Voilà, on a eu Verstappen qui a fait son petit happening avec les journalistes, donc ça donne toujours des images. C'est vrai que pour le coup, les pilotes qui sont un peu forte tête comme ça auprès de la FIA et des règles un peu débiles, c'est toujours marrant. Mais bon. Oh, le prono, c'est quoi? C'est Ben Sulayem qui va imposer des réponses d'au moins 100 mots pour chaque question dans la conférence de presse de la FIA. C'est ça. Vous ne pouvez plus. Interdiction, si jamais en dessous de 50 mots, c'est 1000 euros d'amende par mot manquant. Voilà. Donc, ça ferait 49 000 euros d'amende par question pour Verstappen ce week-end. Non, mais c'est un peu ridicule. MBS et Musk avec Twitter. Oui, bah en fait, des fois, il y a un peu cette idée-là où il a une idée dans tête et puis il y va tout seul, quoi, il fonce dedans, mais sans réfléchir au bien fondé de ses idées et sans réfléchir au fait que c'est n'importe quoi, tout simplement. On va passer à Mercedes, alors Mercedes qui a vécu un week-end. C'est pas la seule équipe pour laquelle je vais faire ce commentaire, mais qui a vécu un week-end en deux parties, vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont fait des qualifs où ils étaient 3e et 4e. Et puis en course, et ben, 4e et 6e, et ils étaient juste trop lents. Ce qu'a dit, ce qu'on dit tout le monde, les pilotes, Wolff, Chauvelin, je crois. Non, c'est pas Chauvelin qui l'a dit. Mais tout le monde a dit en fait que la voiture était trop lente en course. Et puis encore une fois, les difficultés à exploiter les pneus, comme à Bakou, avec un train qui va beaucoup mieux que l'autre. Et puis une incompréhension de comment mettre la voiture dans la bonne fenêtre, quoi. Même le sèche-chauffant a dit que la voiture était trop lente. C'est ça. Et il l'avait enlevé pour le dimanche, puis ça n'a pas suffi. C'est ça, non, bah, Mercedes, bon alors, Ils sont un petit peu, un peu comme Red Bull d'ailleurs, un petit peu entre les deux sur leur solution de plancher là. C'est un petit peu ça qui les freine. Donc là, le plancher de Spa, lui, il a été complètement oublié. Et il y aura vraiment un tout tout nouveau plancher à Austin qui doit vraiment rétablir la situation. Au moins de ce côté équilibre, ce genre de choses. Après, le problème de Mercedes, ça a toujours été la gestion des températures de pneus. Les températures notamment du train arrière en surface, ils n'ont jamais réussi à trouver je veux dire, une certaine constance sur une saison ou même sur plusieurs courses d'affilée où ils s'en sortaient bien. Soit ils sont dans la fenêtre et ça vole, soit ils ne sont pas dans la fenêtre et ils sont lents. Donc c'est encore une fois ça qui a été leur problème ce week-end. C'est qu'effectivement sur un tour rapide, ben voilà, ça marchait plutôt bien. Par contre en course, effectivement, avec le rythme surtout qu'il y avait, parce qu'il y avait un gros rythme aussi. Bah forcément ça surchauffait aussi derrière avec les gommes, la dégradation forcément ça allait moins bien, le grip était pas là. Et voilà, donc est-ce qu'ils vont pas réussir à retrouver une température de surface plus conforme avec un plancher qui génère un appui peut-être plus sain? Ça peut être aussi un effet positif, le cercle vertueux dont on parle parfois. Bon, clairement, voilà, c'est au niveau de la technique, parce que au niveau des pilotes, il n'y a pas grand-chose à redire, hein, non plus sur eux, à part sur le fait qu'ils étaient effectivement totalement exténués à la fin de la course, et puis voilà, avec leur pack de batterie qui doit être très très, très proche de leur baquet, qui franchement leur met la misère sur pas mal de Grands Prix. Il y a ça, plus aussi la fait que la voiture, elle roule quand même beaucoup plus bas que d'autres, et qu'effectivement, les frottements du plancher et les patins titane, ça génère aussi de la chaleur et ça ne doit pas aider non plus, effectivement, en termes de refroidissement. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses effectivement encore à revoir chez Mercedes. La spirale positive qu'il y avait eu avant la pause estivale ne s'est pas encore confirmée sur la suite. Mais voilà, on sent effectivement que bon, il y a des idées de pourquoi ça va pas. Donc là, pareil, hein, c'est crucial pour eux, c'est Austin. Austin va être crucial pour Red Bull pour le championnat. Et pour le championnat et pour la suite. Et pour Mercedes, ça va être pareil, c'est pour le championnat, même s'il le vise un peu moins, mais aussi pour la suite, pour 2025. C'est Parce que ça. voilà, comprendre la Red Bull maintenant et comprendre la Mercedes maintenant à Austin, c'est effectivement bah, lancer une bonne trajectoire pour 2025 qui sera normalement consacrée en termes de développement quasiment qu'à 2026 si vous voulez. Donc c'est vraiment aussi à ne pas louper, ça va être vraiment un circuit très intéressant, d'autant plus que cette année normalement je crois qu'il était complètement resurfacé, que les bosses qu'on a connues normalement ne seront pas présentes, donc avec tous ces enchaînements de virages on serait pas très loin d'une sorte de Silverstone, hein, presque, hein, Oui. en termes de rapidité. Donc ça peut être vraiment très très intéressant comme benchmark pour Red Bull et pour Mercedes. Donc attendons de voir là-bas. Voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire sur la course de Mercedes à Singapour en tant que tel, quoi. Non plus, c'est vrai que c'était À pas part très. le fameux départ en tendre de Hamilton qui est complètement foireux, qui a dit pourquoi vous m'infligez ça encore une fois. Il avait milité jusqu'au dernier moment. Je crois que c'est ben un texte que tu dois préparer, Manu d'ailleurs, Oui. pour demain. Il avait quand même milité pour absolument pas du tout partir des temps. Finalement, ça lui était imposé et forcément, ça a été la mauvaise stratégie. Donc voilà, il était vraiment mécontent de ça. Oui. Alors Hamilton Le Cyr demande, sujet qui fâche, que pensez-vous des stratégies puisque douteuses des grilles quand il s'agit d'Hamilton, sabotage ou pas? Sabotage, non. Jamais une équipe de Formule 1 sabotera un pilote puisqu'elle sabote aussi une de ses voitures. Et on ne sabote pas une voiture quand on met 135 millions d'euros par an dans un programme, hein, tout simplement. Donc ça, non, il n'y a pas de sabotage. Par contre, effectivement, il y a des mauvaises décisions. Ce qui peut venir, par exemple, d'optimisme ou de mauvaise vision des choses de la part de certains de ces ingénieurs, par exemple, de corrélation entre ce que voient les ingénieurs de Mercedes ou les ingénieurs de Pirelli, et puis ça peut faire des choses qui font que il n'y a pas de bon, enfin que ouais, que ça fait pas une bonne stratégie à la fin et que ça fait une erreur effectivement, mais faut pas oublier que c'est de la Formule 1, donc il n'y a pas non plus c'est pas une science exacte jamais. Il n'y a pas de choses prédéfinies et il y a toujours, avec le recul, on se dit toujours que c'était une mauvaise idée. Mais des fois, avec le recul, on se dit que c'est une très bonne idée aussi. Et au final, je pense qu'ils sont beaucoup plus. Ils sont peut-être plus. Comment dire? Ils prennent plus de risques que ceux de Russell. Mais après, à part ça, je pense qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Enfin, il n'y a pas de sabotage, il n'y a rien de volontaire, quoi. Par contre, effectivement, Lambo Diablo demande, est-ce que tout peut être bouleversé à partir d'Austin? Alors, ça, c'est possible. Bouleversé, pas vraiment, parce que de toute façon, il y aura toujours des écarts très faibles. Et du coup, on aura sûrement une hiérarchie qui continuera d'évoluer de Grand Prix en Grand Prix. Tout le monde aura des évolutions aussi, tout le monde quasiment. Parce qu'il y a un trou, il y a un trou d'un mois pendant lequel les usines ne ferment pas. Voilà. Et tout le monde va déployer ses dernières évolutions à Austin. Donc effectivement, ça peut bouleverser en tout cas sur un Grand Prix, le temps de comprendre les évolutions aussi. Donc c'est pas dit non plus qu'une évolution qui ne marche pas à Austin ne fonctionne pas ensuite. C'est juste peut-être aussi le temps de la comprendre aussi. Donc voilà, si en plus Austin s'est trempé par exemple le premier jour, ce qui n'est pas impossible, hein, ça peut avoir. Ça fait une journée d'essai complètement ruinée par la pluie, ça peut mettre à des positions après des positions très délicates en termes de réglage pour des pièces qu'on ne connaît pas. Tout à fait. Du coup, ça peut être effectivement. Ça peut être compliqué, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de hiérarchie définie sur toutes les courses. En plus, on a des circuits très différents qui arrivent, puisqu'on a Austin, Mexico, le Brésil, après on a Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi, donc c'est vraiment quasiment que des tracés très différents. Si on compte tracé plus asphalte, plus dénivelé, plus bosse, etc. Plus altitude. Et au final, on va se retrouver avec des conditions très différentes à chaque fois, des pneus à mettre en fonctionnement dans des conditions très différentes. Donc en fait, toute la fin de saison va être assez imprévisible. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais effectivement, après, je pense qu'Hamilton, là, c'est juste qu'il y a eu une grosse erreur. Et puis, en fait, ils sont partis avec le mauvais train de pneus. Ils l'ont fait rentrer au mauvais moment. Enfin, au bout d'un moment, il y a aussi cette espèce de loi des séries où tu essayes de faire mieux. Et puis, en fait, tu fais encore pire. Et puis, voilà. Mais bon, après, c'est les équipes qui font ça. Ouais, ils ont essayé de s'inspirer sur des stratégies qui ont peut marcher de manière similaire sur des circuits urbains comme Monaco ou autre, mais bon, ça, voilà, c'est un pari qui a pas fonctionné, donc c'est comme ça. Hamilton a dit, voilà, ce genre de stratégie un peu décalée, on le fait quand on a deux voitures qui sont pas du tout sur les mêmes positions de grille. Mmh. Et quand vous avez deux voitures qui sont à peu près au même niveau sur la grille, il faut partir sur la stratégie optimale dès le départ. Et celle-ci, elle était extrêmement claire, là, pour le coup. Donc, à moins d'avoir vraiment de la chance dans une voiture de sécurité, au bout de 10-12 tours, vous êtes parti en temps, tant mieux. Vous avez pu en profiter peut-être un petit peu s'ils avaient pu attaquer, mais à part cette stratégie-là, je dirais, il y a dans aucun cas le temps dont on était à favoriser au départ, quoi. Non, mais vraiment, Hamilton de Cire, tu dis à ce niveau-là, ça ne peut pas être une erreur, bien sûr que si. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans les équipes dans ce genre de cas précis. Hein, donc là-dessus, faut pas voir le mal là où il n'est pas. Il reste bien 3 sprints, effectivement. Il reste Austin, le Brésil et le Qatar. Hein, donc on aura 3 week-ends assez chargés en termes de préparation pour les équipes aussi. Ah oui, Austin est un sprint, c'est vrai? Ouais, tout à fait. Ah oui, donc en plus, pour comprendre les évolutions, c'est encore moins facile, effectivement. Ouais, c'est ça. Hein, là, les évolutions, ils vont les faire sur un week-end de sprint et un week-end en altitude où l'appui aéro est vachement différent et la performance aéro est vachement différente de ce que sont les voitures habituellement. Donc ça va être compliqué, je pense. Voilà, pour moi, j'ai pas grand chose de plus à dire sur Mercedes. Non. On va pouvoir passer à Ferrari, qui, alors, comme Mercedes, a connu un week-end en deux parties avec une qualification totalement ratée parce que Charles Leclerc a perdu son tour parce qu'il n'avait pas la température dans les pneus, il a fait une erreur donc il a eu son temps annulé. Et puis Carlos Sainz a eu un accident. Et voilà, donc on pensait que le week-end était un peu foutu pour eux, hein, parce qu'ils n'avaient pas l'air non plus en énorme forme, même si le vendredi a été prometteur. Et puis finalement, belle remontée quand même de Charles Leclerc qui termine 5e, Carlos Sainz 7e. Ils ont sauvé les meubles, on va dire, pour marquer quelques points, mais voilà, c'est un peu compliqué. Alors, Leclerc s'est plaint d'une grosse chute en température sur son tour de qualif. Il a dit qu'il lui manquait 10-12 degrés. En vérité, le lendemain, il a quand même dit que c'était lui qui avait vraiment pas un bon pilotage et qu'il pensait qu'il avait pas mis les pneus en température. Donc en fait, je pense pas qu'il y ait d'explication à avoir avec la température. Je pense qu'il y a eu un mauvais feeling et des pneus un peu plus froids, mais pas, c'était pas la catastrophe qu'il disait au niveau des pneus. C'est aussi lui qui a pas été au niveau. Il a dit donc. Il était un petit peu trop tendre dans le tour de chauffe en fait. Ouais. Parce que les couvertures chauffantes étaient toutes à la même température, donc les pneus sont sortis à la bonne température aussi. Donc ce côté-là, il n'y a pas de souci du côté de Ferrari, effectivement, il n'y a peut-être pas assez attaqué dans son tour de chauffe. Après, toujours pareil, hein, un tour de chauffe à Singapour, il est long. Hein, donc, même s'il est plus court cette année, depuis l'an dernier, avec une des chicanes qui a sauté, donc on tourne plutôt en 1.30 qu'en 1.40, mais bon, il faut quand même réussir à bien les chauffer. Et comme il y a des longues lignes droites, quand même, plus la ligne droite est longue et plus ça refroidit le pneu, c'est pas toujours évident non plus. Donc, ouais, effectivement, il les a mal chauffés. Et voilà, donc ça a pris d'ailleurs Leclerc par surprise de son côté, et Sainz aussi, voilà, puisque Sainz aussi qui lui se loupe aussi. Alors, son pneu Certes, peut-être pas assez chaud, mais peut-être aussi, surtout, en voulant laisser passer effectivement une voiture qui allait plus vite, il s'est quand même mis un peu trop, peut-être, je pense, dans la poussière et dans les débris de gomme sur le côté gauche. Et quand il a attaqué ce double gauche qui lance sur la ligne droite, je pense qu'effectivement, et peut-être la Ouais. température qui a chuté et peut-être un peu de poussière, un peu de débris sur les pneus, ont fait que ça a vite décroché, quoi. Donc, La première donc bosse voilà. arrière est partie, hein, de toute façon. Donc, C'est ça, donc voilà, c'était un petit peu voilà, une histoire de gomme hein, chez Ferrari en qualification. Par contre, en course, le rythme, très il bon. était très très bon. Donc faut pas. Voilà, c'est des tout petits riens, comme dit Vasseur, c'est des tout petits riens qui font que voilà, vous retrouvez de héros à zéro, de zéro à héros en peu de chance, en peu de temps. Et là, d'une journée à l'autre, en fait, on se rend compte que Leclerc avait le rythme de course de pas loin de Norris et meilleur que Verstappen. Donc voilà, en partant une bonne place, il aurait peut-être pu embêter Norris pour la. En tout cas, l'embêter au niveau de la stratégie, ça c'est sûr. L'embêter après au niveau de la victoire, je ne suis pas certain. Mais c'est pareil, on ne sait pas comment aurait évolué Leclerc s'il avait roulé plus haut. Oui. Mais voilà, c'est. Voilà, ça reste un très très bon niveau pour global chez Ferrari, même si sur cette course-là, ils se sont loupés, mais ils ont quand même bien réussi à rattraper pas mal de points en course quand même, donc Oui. enfin limiter les dégâts, on va dire. Voilà. Et comme tu disais au chapitre McLaren, s'il n'y avait pas eu cette erreur en qualif, Leclerc aurait sûrement été un facteur pour que Norris reprenne plus de points à Verstappen pendant cette course. Et Exactement. finalement, c'est là aussi que ça se joue sur des petites choses comme ça. Voilà pour Ferrari. Après, hors piste, c'est pas passé grand-chose. Hein. Pour le coup, le week-end a été plutôt calme. Donc c'est vrai que c'était, je pense que pour eux, c'était pas trop mal. Aston Martin, alors là, c'est pareil. On a eu, là, on a eu un week-end en deux parties, mais c'est d'un côté Alonso et de l'autre Stroll. C'est-à-dire qu'Alonso se montre un peu tout le temps en Q3 et puis il fait des points en course. Et puis Stroll, c'est élimination en Q1 et puis une 14e place à l'arrivée. Il était juste pas là en fait, hein, tout simplement. Ouais, alors que Stroll était bien présent quand même, bien derrière Alonso depuis pas mal de Grands Prix quand même, hein, voire même le titiller. Là, effectivement, sur ce Grand Prix-là, il a décroché. En fait, c'était un peu comme on l'avait dit au moment de Monaco, où Stroll n'a jamais été à l'aise à Monaco et cette année il l'était, ce qui avait surpris tout le monde. Donc du coup, on s'attendait pas à ce qu'il soit décroché sur un circuit urbain comme ça. Mais ouais, si, là, il a été vraiment décroché, mais voilà, il l'a dit clairement, il n'a jamais trouvé les bons réglages, il n'a jamais trouvé l'équilibre de sa voiture. Un peu comme Perez en fait, par rapport à Verstappen. Pas le bon réglage, pas le bon équilibre. Voiture qui le chahutait un peu plus que celle d'Alonso. Pareil, je pense qu'Alonso s'y est un peu surpiloté, mais dans son coin, hein, c'est toujours pareil, c'est que l'Aston est un peu trop décroché pour embêter les quatre top teams et encore un petit peu devant grâce à Alonso les autres dans le peloton. Donc du coup ça nous fait un Alonso qui fait un peu une course un peu en solitaire, ce qu'on l'a quasiment pas vu en fait à Comme la à télé. Bakou, hein, il fait un super C'est résultat, mais ça. on le voit pas. C'est ça, donc c'est le meilleur des autres et dans l'anonymat un petit peu, mais c'est dommage parce qu'il fait effectivement. Il fait le job encore une fois, Ouais, donc c'est voilà, ça. il doit lui tarder d'arriver à 2026, je pense, Ouais, sûrement. Hein. Bah, surtout et qu'il d'avoir. il marque 12 points en deux courses, donc lui, pour lui, ce C'est double ça. header, comme on dit, est totalement réussi. Bah, Aston, de toute façon, n'a rien à jouer, donc ils sont très très loin devant tous les autres, et très loin derrière le top 4. Donc au final, ils peuvent presque prendre cette fin de saison en mode test pour l'an Un prochain. gros laboratoire. Voilà, valider le maximum de solutions possibles, histoire de dépenser le budget 2020, de 2025 sur 2026 quasiment exclusivement. Donc c'est l'avantage un petit peu de leur position. Voilà, c'est pas assez bon pour embêter les quatre top teams devant, et encore assez bon pour rester devant les autres derrière eux, quoi. Donc ça a un avantage en fin de saison, c'est effectivement, et ben voilà, ils seront cinquième au championnat. Ce qui est une position intermédiaire du coup pour le développement aéro et ils n'ont pas trop non plus à payer à la FIA pour la licence, il n'y a pas besoin de marquer trop de points non plus et puis voilà, ça va être une saison un petit peu voilà, fin des tests, valider des solutions parce que aussi ils attendent des évolutions de ça, donc c'est vraiment important pour eux de comprendre pourquoi l'Aston est partie sur une mauvaise direction et on pense effectivement quoi. Dans l'oreillette, un certain Adrian Newey devrait commencer à souffler quelques idées pendant ses vacances, ici ou là, sur ceux qu'il faudrait modifier, histoire de partir sur une bonne base quand il arrive le 1er mars 2025. C'est ça, sachant qu'ils auront aussi une nouvelle soufflerie à mettre en place et à tester et à Oui. valider à la fin de l'année. Donc s'ils peuvent prendre un peu d'avance sur 2025, pour eux c'est très bien maintenant. Comme ça, fin d'année, ils valident la soufflerie, ils la mettent en place, ils la calibrent, enfin là, elle est en calibrage, mais ils la mettent en place, et comme ça, ils peuvent attaquer le projet 2026 un peu plus serein, on va dire. Sans enjeu pour eux la fin de saison, donc Oui. à part le côté technique et le développement, effectivement. C'est ça. En parlant d'Aston, vous pensez qu'elle peut jouer le titre dès l'an prochain avec la venue de Newey? Non, Newey, il vient proposer Non. son projet 2026. Hein. L'an prochain, il n'y aura pas de miracle du côté d'Aston. Ce sera toujours la même chose. Il y aura très très peu de crédits de façon alloués au développement de la voiture 2025. Donc non. Puis oui, il arrivera ça, effectivement, pour bosser direct. Déjà, le temps qu'il apprenne tout le monde. Même si je pense qu'on lui passera les CV, Ouais. l'organigramme, la petite mallette parfaite du nouvel arrivant, Ça, je pense qu'il a déjà la petite fiche Bristol. fournie par la RH, voilà, je pense qu'il sera bien briefé dès le 1er mars. Ah, les premières réunions, tout ça, il sera bien tenu au courant, je n'en doute pas, des avancées du projet 2026. Et s'il a effectivement déjà des idées de concept pour 2026, en bossant tranquillement depuis chez lui le 1er janvier ou 2 janvier quand il aura le règlement technique sous les yeux, il ne tardera pas à faire part de ses éventuelles failles ou découvertes qu'il pourrait faire de son côté. Tout à fait. Du côté de chez Haas, on a fait une 9e place avec Nico Hülkenberg, hein, qui a repris un peu le dessus après avoir été battu par Berman la semaine d'avant. Et Kevin Magnussen est revenu pour un abandon en fin de course parce que c'était la voiture n'allait plus vraiment. Donc, voilà, c'est pareil, pas grand-chose à raconter du côté de Haas. Hein, c'est une course assez calme pour les deux. Je sais Super pas ce que. qualif de Hülkenberg quand même. Si, Ouais. bon après, certes, les deux Ferrari sont hors de position aussi, mais bon, il avait fait quand même vraiment une super perf. Vraiment bien. Bon, Magnussen n'était pas si loin que ça non plus en qualif, mais c'est vrai que bah il a fait. Bah ouais, Hülkenberg a vraiment bien joué pour embêter Perez. Hein, voilà, donc il a pas pu passer. Donc ça c'est effectivement bien joué pour prendre 2 points. Et pour le coup, c'est très important pour eux parce que eux cherchent à remonter sur RBF1 qui sont juste que 3 points devant, je crois, ou 3 points, 4 points devant, je n'ai plus 3 points, je crois, c'est maintenant. ça, voilà, donc chaque point compte, et là, pour le coup, c'est très important. Alors, pour As, gagner une place championnat constructeur, c'est quand même gagner 10 millions, et pour le coup, c'est pas, on préfère avoir le développement aéro pour l'année prochaine, eux, on préfère avoir les 10 millions. Donc, Ah, c'est ça. clairement, eux, il faut aller chercher RBF1 derrière, donc voilà. C'est ça. Chez Williams, alors Williams, c'était un petit peu la frustration tout le week-end, une qualification hors du top 10. Alors qu'ils espéraient arriver en Q3, Albon 11e, Colapinto 12e à 7 millièmes, alors qu'il n'avait pas les évolutions d'Albon. Donc là encore une très belle performance de Franco Colapinto. Et puis, après en course, Albon a vite été. Alors le départ a été un petit peu agité de son côté, il a été obligé de passer par le milieu du deuxième virage, de couper. Et puis Colapinto, lui par contre, a gagné des places en faisant un très très beau départ. Il a gagné 3 places pour pointer 9e. Et puis finalement. Il a reculé au 11e rang à cause de la stratégie. Et puis ensuite, il a fini 11e. Et Albon, lui, par contre, a été victime d'un problème mécanique qui l'a contraint à l'abandon. Oui, pas grand-chose à dire de plus sur le niveau de la course et de la compétitivité. Moi, je tiens quand même à souligner que je pense que Alex Albon a son premier test de sévère en face à un autre pilote Ouais. plutôt qu'il le pensait, parce que je pense qu'il s'attendait effectivement à avoir la vie un peu plus dure en mars 2025. Finalement, Franco Colapinto nous fait un début de carrière en F1, parce que j'espère que c'est un début de carrière pour lui, parce que ça va pas s'arrêter là, je pense. Parce que là, franchement, être au niveau d'Albon, comme ça devient en plus sur troisième circuit de Singapour, c'est quand même pas évident. Même si on se rappelle que Lawson l'année dernière y avait brillé aussi. À 7 millième, comme tu le dis, il n'avait pas les évolutions. Je crois que ça a touché la suspension chez Williams. C'était pas loin de 1 ou 2 dixièmes, je pense, en termes de gain. Oui. C'est franchement extrêmement impressionnant. De quoi se mordre les doigts, comme disait toujours certains, de ne pas l'avoir mis plus tôt dans la monoplace, mais c'est toujours Ça, pareil. c'est du temps perdu avec Sargent, ça c'est certain. C'est ça. Après, Sargent avait des soutiens, il y avait des sponsors, il y avait les États-Unis derrière, il y avait Doriton aussi derrière lui. Donc bon, il y a aussi une question de soutien derrière qu'il faut honorer. Donc c'est pas si évident que ça de se dire on teste quelque chose d'autre. Mais je pense que personne ne l'a vu venir. Hein. Déjà, même nous, c'était pas Franco Colapinto qu'on mettait du Non. tout dans les probables remplaçants de Sargent. Parce qu'on parlait de qui? On parlait de Mick Schumacher, on parlait de. C'était qui le deuxième. Le qui était favori aussi pour le. Pour le Putain, remplacer. c'était, je Ah, sais voilà, plus qui c'était. j'ai un trou maintenant, un trou de mémoire. Ah oui, Donc, à force, on a tellement eu de noms. Après, il y a eu le nom de Drugovic avait été aussi avancé à un ouais, moment. c'est. Bah, Ah, oui, Antonelli, Anthony, évidemment. Ouais. exactement, Anthony, Merci, exactement. Hugues Zoëns. Merci, effectivement, la C'était réponse. avant qu'il signe chez Mercedes, en plus. Lawson aussi, effectivement, ça avait été évoqué. Et Franco Colapinto, franchement, personne n'a compris, à part les Argentins. Mais force est de constater qu'il est en train d'éblouir la Formule 1. On pensait que c'était une option intéressante pour Audi F1, pour le deuxième pilote, mais Ouais. juste pour donner quelques minutes, James Vowles a dit que l'intérêt d'Audi pour Franco Capito pas très fort. Ce serait plutôt, on se dirige vraiment a priori vraiment comme sur une reconduction de Bottas pour un an. Et peut-être Gabriel Bortoleto en pilote de réserve, prêté par McLaren. Alors je vois pas l'intérêt de McLaren de prêter un pilote Non. pour être réserviste ailleurs. Je pourrais prêter un pilote au général pour que ce soit titulaire. Donc j'attends de voir effectivement si c'est vraiment ce scénario-là qui se dessine. Mais le fait que Bottas soit reconduit, qu'il n'ait pas signé encore, c'est peut-être une chose, mais qu'il soit reconduit effectivement, ça semble aujourd'hui à 99,9% le scénario qui va se faire, puisque Lawson va être confirmé chez RBF1. Donc Lawson qui était la piste numéro 1 de 10 s'éteint. Et donc voilà, je pense que pour la saison 2025, ils vont peut-être dommage effectivement de ne pas pouvoir faire débuter un jeune pilote en 2025 pour qu'il soit prêt en 2026, mais bon, voilà, ça sera a priori Bottas encore, peut-être pour Renaissance aussi par rapport à Hülkenberg aussi, ça peut être intéressant pour eux aussi de savoir ce que vaut Hülkenberg, ce que vaut Bottas. Voilà, si Bottas se fait laminer par Hülkenberg, ça veut dire qu'effectivement, bah, ils n'ont pas eu de bon pilote pendant 2 ans. Oui. Donc voilà, donc ça effectivement, ça sera peut-être déjà une première indication. Mais bon, quand on a connu le niveau de Bottas chez Mercedes, J'ai du je mal à pense voir que. se faire laminer par Hülkenberg, ouais, personnellement. Voilà. Sachant que Magnussen ne se fait pas non plus laminer par Hülkenberg. Non. Il se fait dominer, mais pas laminer. Je ne pense pas que Hülkenberg lamine Bottas, mais bon. On n'est pas à l'abri d'une surprise non plus. Mais c'est sûr qu'après, pour Audi, ça ferait deux pilotes très très bons dans le développement et très expérimentés. C'est ce qui pourrait les aider aussi pour mettre en place un vrai bon projet 2026. C'est ça. Alors, on va arriver sur notre deuxième coup de gueule de la soirée, puisque nous allons parler de RBF1, avec Yuki Tsunoda qui termine 12e, Ricciardo termine 18e. Donc là-dessus, pas de coup de gueule envers eux. Le boulot a été fait à mesure de ce que la voiture était capable d'apporter, hein, c'est-à-dire un petit peu en retrait du top 10, mais pas trop loin. Tsunoda fait un super week-end, Ricciardo c'était un peu plus compliqué. Éliminé en Q1, un week-end où son avenir était. Au moment où c'était les qualifs, on pensait que son avenir était en ballottage défavorable, on va dire, par rapport à ce qu'il était, et puis en fait, on s'est rendu compte dimanche que, ben, hormis le discours officiel d'Horner et Méquies, ben, finalement la décision est sûrement déjà prise. Oui. Alors, est-ce qu'on commence par le coup de gueule sportif qui est aller Oui, le chercher point. le point? Alors voilà, Enfin, le point. Ricciardo a terminé la course par un arrêt au stand dans l'avant-dernier tour et le meilleur tour dans la dernière boucle, ce qui a permis d'enlever un point à Lando Norris. Donc évidemment, RBF1 et Ricciardo ne marquent pas de points puisqu'ils n'étaient pas dans le top 10. Il termine dernier, même 18e, mais Oui, c'est bien Norris de perd un point. préciser. C'est bien de le préciser parce que j'ai eu pas mal de mails qui nous disent pourquoi j'ai pas mis de points à Oui. Ricciardo dans le classement. J'ai eu pas mal de gens sur Twitter qui m'ont dit oui, mais au moins RBF1 ils ont besoin de points et tout. J'ai dit oui, mais là ils en marquent pas en fait. C'est ça exactement. Ils ne font que priver un pilote du top 10 d'un point, mais eux ne peuvent pas en marquer. Donc voilà. Donc ce qui d'ailleurs ramène à nouveau à considérer cette règle du meilleur tour Oui. voilà, comme quelque chose de pas très très nécessaire. Et là, effectivement, collusion entre Red Bull et RBF1 pour ça. Officiellement, évidemment, non. Officiellement, Zak Brown et Christian Horner en ont discuté et ont fait en tenue de pyjama dans l'avion le temps du vol retour vers l'Angleterre. On fait de nouveau ami-ami là-dessus. Alors, ami-ami, bon, on sait que les deux sont pas très très Non. amis hein, en vrai, hein, puisque voilà. Mais bon, le soupçon de collusion entre McLaren et entre McLaren et RBF, entre Red Bull Racing et RBF1, il est total, je veux dire. Je veux dire, offrir le meilleur tour à Ricciardo, là pour le coup, ils se sont, je pense, eux-mêmes mis dans la galère en se disant non, c'est pas pour aider Verstappen, même si on sait que c'est pour ça, pour la simple et bonne raison que directement après la course, quand Oui. Ricciardo a parlé aux médias, il a dit si au moins ça a pu aider Max pour son titre, c'est cool. Et Max lui a dit il pourrait me demander le cadeau de Noël qu'il veut, il n'y a pas de problème. Donc on sait que directement que ça a quand même cogité, quoi. Directement. Donc je pense que oui, clairement, même si c'est pas dit, je pense qu'il n'y a même pas besoin de le rappeler. Je pense que d'une pierre deux coups, ils ont dû se dire, allez, on va enlever le point à Norris, et puis ça fait un petit pot de départ sympa avec le meilleur tour pour Ricciardo. Voilà, mais du coup, ils ont été obligés de s'expliquer là-dessus en disant, Oui. ouais, mais comme c'est peut-être sa dernière course. Donc voilà, donc ça prouve effectivement que tout ce qu'on a dit en termes de rumeurs sur le fait qu'il pourrait se faire évincer en cours de saison, ne pas finir la saison, tout ça, en fait, en une seule phrase, en une seule action, tout cela s'est révélé vrai d'un coup. Il Ouais. n'y a même pas besoin d'attendre l'annonce, le truc post-Singapour, tout ça. En fait, c'est acté, toutes ces rumeurs, tout ce qui a circulé sur le fait qu'il risquait d'être évincé. On ne savait pas si c'était à Singapour ou à Austin. Ça va arriver. Voilà, on attend Bien le sûr. communiqué, je pense, peut-être dans la semaine, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas quand est-ce qu'il tombera. Mais malheureusement, je pense que Daniel Ricciardo a vécu sa dernière course en F1. Ou peut-être, avec un grand élan de mansuétude, si Lawson a bien 5 courses à faire à son contrat, il fait les 5 prochaines et on offre une petite tournée d'adieu à Ricciardo à Abu Dhabi. Ou à Vegas, parce que Ricardo Ouais, aime bien Vegas. voilà, c'est ça. Sinon, c'est extrêmement. Voilà, bah on va rentrer du coup dans le deuxième coup de gueule. C'est vraiment extrêmement dégueulasse de la part de Red Bull et RBF1 de pas avoir offert une fin de carrière digne de ce nom, avec les célébrations qui vont bien, à Daniel Ricciardo. Donc j'espère qu'il y a un plan pour ça, pour une Ouais, dernière course. j'espère Bah, aussi. sinon, c'est énorme carton rouge, parce que c'est pas du tout respecter quelqu'un qui a fait vivre la filière, quoi. Qui a quand même bien œuvré depuis 10 ans. Et le truc, c'est Ricardo a été interviewé après donc par F1 TV. Et ils l'ont demandé pour, ils ont dit, ouais, on a vu que vous êtes resté quelques secondes dans le cockpit, un peu posé à la fin et tout ça. Et il a dit avec les larmes aux yeux que le cockpit a été son environnement ces 11 dernières années et qu'il avait envie d'en profiter un peu plus. Donc voilà, Oui. on peut se dire que ça n'a rien à voir. Moi, je pense que Il a pleuré auprès de Sky, il a été voilà. hyper ému au niveau de Canal. Enfin, Ouais. et à la fin, toutes les haies d'honneur qui ont eu lieu pour lui dans le paddock aussi. Voilà, Oui, parce que Laurent les Méquies et puis embrassades. tout le monde chez RBF1 du nom, on ne sait pas, mais RBF1 lui a quand même organisé une haie d'honneur pour son retour du Mediapen dans le Motorhome. Donc voilà, je pense que malheureusement c'est comme ça, et quitte à faire ça, et ben, ils auraient dû l'annoncer. Si vraiment il a plus de course à disputer, s'il en reste encore une, alors pourquoi pas, dans ces cas-là, ok. Mais s'il n'a plus de course à disputer, la moindre des choses, c'était de lui dire, voilà, on te fait ce qu'on appelle un send-off en anglais, hein, vraiment un départ en fanfare. Tu peux passer ton week-end à dire c'est le dernier. Et en fait, en gros, tu peux. Il aurait pu se faire un dernier kiff avec les fans, parce qu'en plus, les fans à Singapour viennent devant le muret des stands après la course pour essayer d'avoir des autographes. Donc, il aurait pu se faire un dernier bain de foule et tout ça. Donc, il y avait vraiment de quoi faire quelque chose de très sympa. Et bah, en fait, ils ont juste. Si vraiment il n'a plus de course, encore une fois, je mets à ceci, puisqu'on verra ce que l'avenir réserve, mais. S'il n'a plus de course à faire, ils ont vraiment juste craché sur ce qu'il leur a apporté depuis 12 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier que Ricciardo a fait d'excellentes saisons, enfin de très bonnes saisons chez Toro Rosso, et a fait d'excellentes saisons chez Red Bull entre 2014 et 2017, et 2018 même. Donc voilà, c'est un peu triste. En tout cas, s'il y a une course d'adieu, il n'est pas au courant, puisque sinon il n'aurait pas été aussi ému que tout ça, je pense. Exactement. Donc ça Et veut dire que c'est. c'est pas décidé, peut-être, voilà, mais. Je pense que les termes exacts de comment ça va se passer sont pas décidés, d'où le fait qu'il n'y ait pas d'annonce, mais ils auraient pu au moins lui dire voilà, c'est possiblement la dernière, et puis après c'est pas grave, au pire tu en fais une derrière, c'est pas non plus la fin, mais voilà, c'est Après, pas. c'est pas forcément la fin de sa carrière en F1, puisqu'il n'a pas dit non plus qu'il la prenait sa retraite. Oui. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il n'acceptera pas d'être réserviste de Red Bull Ouais. et RBF1. de RBF1. Comme si vous avez pu le lire ce matin sur Nexgen Auto, il y a un petit mot de Marco comme qui dit quand même que ça sera plutôt Isaac Hadjar qui aura ce rôle l'année prochaine. Donc ce qui veut bien dire que Liam Lawson sera promu. Voilà. Et donc, je suis même quasiment certain que Ricciardo mettrait les voiles dès maintenant. Oui. Voilà, quitterait définitivement la filière. Il ne va pas se taper 4-5 Grands Prix à faire la tournée des paddocks et des médias et à arborer son plus grand sourire alors qu'il s'est fait éjecter pour voir rouler Lawson à sa place. Il l'a dit, voilà, son espoir c'était mettre un pied dans la porte de Red Bull en espérant que Pérez vacille. Ça a failli arriver, ce n'est pas arrivé. Voilà, donc il a dit lui-même, il ne veut pas s'accrocher alors que ça va plus. Il a dit aussi que voilà, maintenant il y a des petits jeunes qui arrivent qui sont 10 fois mieux préparés que lui. Et lui maintenant il a 35 ans, il n'a plus 25. Donc arriver avec un tel niveau de préparation aujourd'hui à 25 ans, forcément quand vous en avez 35, c'est compliqué aussi. Donc il est extrêmement lucide par rapport à tout ça. Il est extrêmement lucide. Donc voilà, on a senti effectivement Ricciardo lucide, ému, qui, je l'espère, aura une petite course d'adieu, même si c'est peut-être pas cool pour Lawson, même si c'est pas facile non plus de, voilà, de refaire revenir un pilote comme ça pour un Grand Prix. Surtout que c'est deux triplés de course, hein. On parle quand même de triplé, donc c'est pas évident non plus. Si ça se fait, il n'y a aucun problème. Mais voilà, c'est un peu cavalier la façon dont ça a été fait. Ils auraient mieux fallu effectivement décider avant cette trêve, C'est ça. dire que Singapour serait le dernier Grand Prix, et ça aurait été vraiment mieux pour tout le monde, quoi. Exactement. Donc voilà, c'est vrai que. Bah, bon, après, on n'attend pas non plus une grande élégance du clan Red Bull généralement sur ce genre de sujet. Ouais, enfin bon, quand c'est un pilote comme Ricciardo. Après, il n'y a pas eu une grande élégance non plus pour Vettel, hein, quand il est parti chez Ferrari. Ça n'a pas été cool non plus. Après, c'est Je lui suis qui a sûr que annoncé c'est. aussi, hein. Je suis sûr que quand Verstappen s'en ira chez Aston ou chez Mercedes, ça sera pas cool non plus. Donc, Non. c'est pas le genre de la maison. Non, non, clairement, c'est pas du tout le genre. Ensuite, Alpine. Bon, Alpine, on a eu Ocon 13e. Oui, j'ai mis Ocon et Ocon. C'est Ocon 13e, Gasly 17e. Ocon est passé en. T'avais qu'à mettre Normand 1, Normand 2, Ouais, au moins tu te c'est trompes ça. pas. Ocon 13e, Gasly 17e. Bon, bah, Ocon est passé en Q2, pas Gasly, mais globalement, très mauvais week-end encore. Ils étaient encore tous les deux. C'était la déprime absolue dimanche. On n'a pas assez de rythme, la voiture va pas, on n'arrive pas à l'exploiter. Enfin, il n'y avait rien qu'à aller, hein, grosso modo. Non, donc châssis qui va pas, circuit rapide, urbain quand même, il faut même un peu de puissance. Le moteur Renault actuel en manque clairement. Ouais, c'est pas la joie dans le camp français, c'est clair. J'ai pas grand chose de plus à dire que Oliver Hawkes et Flavio Briatore ont un sacré boulot pour mettre un coup de pied dans la fermière sans démotiver les gens là-bas. Ce qui n'est pas une mince affaire. Surtout quand on sait que Flavio Briatore, il y a une ou deux courses, parlait effectivement de problèmes d'efficacité, de niaque, d'envie à Enstone, que ça serait jamais arrivé quand lui était aux affaires. Donc ouais, donc déjà les gens à Enstone, je pense qu'ils ont dû aussi bien prendre en compte le discours du patron. Ça donne pas vraiment envie de se donner à fond pour que ça fonctionne, quoi. Donc Non, clairement. là, voilà. Bon, après l'actualité pour eux, c'est surtout la réunion qui a eu lieu entre le CSE et Luca de Meo pour l'avenir du moteur Renault F1. Bon, ils sont ravis d'avoir été entendus. Malheureusement, je pense qu'on ne s'est pas trop d'illusions non plus pour tout ça. Surtout que voilà, Bruno Famin a même rajouté une petite couche en disant que Viry serait utilisé pour les moteurs du WEC. Enfin bref, en gros, c'est. Je suis désolé pour eux, mais pour moi, c'est acté sur le fait Ouais, je pense. que voilà, sur tout ce genre de grandes décisions d'entreprise. Ils gagnent 100 millions derrière, ils ont l'assurance d'un moteur à peu près compétitif. Connaissant les bonhommes à la direction de Renault et Flavio Briatore, qui on ne va pas non plus disserter 10 ans entre je prends une entité connue et je me passe de gérer les problèmes de Viry. Ça. Voilà, pour les 334 employés, si ils seront ils, apparemment ils, leurs jobs seront maintenus d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ils feront pas de F1, c'est surtout ça le problème pour eux. Donc voilà, on ne sait pas pour leurs emplois qu'on craint spécifiquement, a priori en tout cas. À ce jour, c'est sur quoi ils vont travailler. Effectivement, quand on est passionné de F1, quand on s'est engagé pour faire de la F1, ne plus travailler sur la F1, c'est quelque chose. Même si ça reste du sport automobile, ou d'automobile de haute précision, c'est pas de la F1, c'est pas ce qui vous fait vibrer le dimanche quand vous rentrez quand vous êtes chez vous à la maison en train de regarder le fruit de votre travail, en partie en tout cas. J'imagine qu'il compte aussi sur des départs volontaires Oui, effectivement pour aussi, je dégraisser, pense que. quoi. Voilà, effectivement, d'aller rejoindre d'autres motoristes. Alors, des motoristes en France de F1, il n'y en a pas. Maintenant, tous ces motoristes-là, ils parlent très certainement très bien anglais aussi. Et donc, après, il faut réussir, je vous parle pareil, réussir à faire partie de toute la petite famille ailleurs, quoi. Ça, c'est moins évident. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis bon, bah, ce soir, on va finir l'émission avec Steak, sur qui on n'a pas grand-chose à dire non plus, hein. Puisque bah, c'est le même que les autres week-ends, c'est-à-dire ça a été globalement très difficile pour Steak. Dernier en qualif, dernier en course. Joe finit devant Bottas en course, mais voilà quoi. Je plaisantais sur le fait que la seule chose qu'ils n'aient pas changé encore de tenter de changer, c'est la couleur. C'est ça. Il y a peut-être que ça qui. Voilà, mais rien à dire. C'est bon, dernière force du peloton. Il n'y a rien qui va. Je pense que Binotto est un énorme travail de remise à plat de tout ce qui a été décidé ou pas décidé ou contrecarré ou mis en pause dans la guéguerre entre Seidel et Hoffmann avant lui. Je pense qu'effectivement, Ravi, lui, il subit, effectivement, il fait tourner la maison avec ce qu'il a. On n'entend plus aucun son de cloche du département technique. Non. On rappelle quand même que c'est James Key qui est quand même à la barre là-bas. Il n'est plus du tout, il est plus du tout invité sur des Grands Prix. On n'entend même plus parler du tout de la voiture ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un certain Yann Monchaud qui doit bien rigoler aujourd'hui aussi. Oui, C'est celui-là qui a clair. été viré, finalement, ça va de plus en plus mal depuis. Exactement. Donc voilà. Après, je pense que James Key reste quand même quelqu'un de talent. Donc C'est quelqu'un qui ne doit pas non plus avoir les moyens de ses ambitions et les ressources nécessaires pour faire ce qu'il faut. Donc voilà, c'est une situation extrêmement compliquée pour Stake. Voilà, il faut vraiment vouloir pour prolonger juste pour une seule année, mais je pense que Botas est prêt à le faire. On pourrait presque dire que c'est un sacrifice, parce qu'il pourrait goûter à C'est tellement de choses. lui qui fait l'effort, hein, clairement. Ah oui, parce que là, c'est une année de fond de peloton garantie. Hein. C'est Ça une va être année pire, à je ce... pense, parce Ah que oui, c'est ça. là, ils vont tout mettre sur 2026, en fait, donc et avec le maximum de temps de développement, mais du coup, la saison 2025 va être catastrophique. Ouais, et même 2026, on sait très bien que ça sera pas à top non plus. Parce que ce sera avec, certainement avec les moyens techniques actuels, le moteur, enfin, sauf miracle absolu, ce sera pas non plus une fusée tout de suite. Bon, après, on n'est pas à l'abri de surprise, hein, comme toujours, hein, mais bon, Audi a quand même la double peine de ne pas avoir non plus fait de V6 thermique, contrairement à tous les autres motoristes. Même Red Bull, on peut presque dire qu'ils ont quand même une petite expérience parce qu'ils ont recruté beaucoup d'anciens de Mercedes et Honda. Donc voilà, ils ont quand même un bagage de ce côté-là. Audi, on n'a pas recruté autant. Non, extrêmement compliqué, steak, voilà, c'est un petit peu le HRT moderne, j'ai envie de dire, tu vois, ou le Caterham moderne, ou les Virgin modernes. Voilà, Ouais, on en est loin en performance, heureusement, parce qu'en performance absolue, ils sont pas si loin que ça, hein. Ils oui, sont à la c'est seconde et ça. quelques. Mais dans la F1 moderne, une seconde et quelques, c'est monstrueux. Mais bon, après, c'est vrai que du coup, là, ça les fait être précisément dernier à chaque fois, quoi. Donc, c'est très compliqué. Et j'ai vu, est-ce qu'ils auront la même livrée l'an prochain? Oui, très certainement, parce que Steak et Kick mettent énormément d'argent pour avoir ces couleurs-là. Oui, stack c'est pour l'année prochaine. Ouais, et puis après, ça partira pour les livrer Audi. Mais bon, voilà, d'ici là, je pense que les prochaines éclaircies, elles sont pas à prévoir avant 2026. Et ce ne sera pas sûrement non plus des éclaircies très, très claires. Voilà pour le tour d'horizon de ce qui s'est passé à Singapour ce week-end et puis depuis. Oui, comme tu dis, Exoens, on tape sur Alpine et Sauber, c'est pas loin des autres, hein. C'est sûr que c'est une F1 qui est très serrée et le moindre dixième peut coûter cher, mais bon, ils sont toujours quand même 9 et 10 en performance, donc ça c'est un peu problématique, il n'y a pas d'évolution comme ça depuis quelques courses. Et puis, alors au niveau des pronos, Alex avait été bon, il avait dit Norris, Leclerc, Piastri, donc il avait deux de juste. Moi j'avais mis Norris, Piastri, Sainz, donc j'en avais deux de juste, mais un de mal placé. Voilà, donc on avait fait l'émission tous les deux la semaine Et dernière. moi j'étais pas là, mais j'admets que j'aurais mis Leclerc, j'aurais peut-être pas donné le podium, mais j'aurais mis Leclerc, donc j'admets que je me serais planté. Sur la performance pure, j'aurais pas été mal. Sur le résultat final, pas du tout. Mais c'est vrai que maintenant on pronostique le podium, on pronostique plus forcément juste le vainqueur, Ouais, donc c'est pas c'est évident. ça. Et du coup, on s'est dit maintenant, les absents, ils doivent aussi passer à la moulinette. Oui. Donc on a demandé les pronos de Paul et Alex aussi. Donc ils nous les ont confiés avant l'émission. On va les donner. Hein. C'est Vas-y. pour Paul, c'est Norris, Piastri, Leclerc. Et pour Alex, c'est Norris, Verstappen, Leclerc. Voilà. Et moi je dis Norris Piastri Verstappen. Et moi je dis Norris aussi, on va être quand même tous sur Norris. Norris, Leclerc, Verstappen. Hmm, pas Allez. mal. Trois équipes. Voilà, pour histoire de. Voilà, le petit trou qu'il faudrait réussir. Il n'y a pas un sprint aussi? Ah Alors oui, c'est vrai qu'il y a un sprint aussi. ça Hein. Et ben moi, devient le très sprint, je dis Norris Verstappen. bien. Piastri. Sprint, je dis Norris, Piastri, Leclerc. Allez, hop. Bon, Pas mal on verra. aussi. De toute façon, c'est très compliqué parce qu'en plus, tout le monde a des évolutions. Ben c'est ça. Et là, en plus, on parie sur le fait que les évolutions de Red Bull ne seront pas hyper. Enfin, on parie. Peut-être parce qu'on a envie que les évolutions de Red Bull ne soient pas hyper intéressantes pour garder un suspense jusqu'à la fin du championnat. Mais si les évolutions de Red Bull sont au top, le championnat pilote sera plié. C'est vrai. Et Alka dit, Mercedes est souvent très performant au quota, mais Mercedes n'a pas toujours été performant cette année sur les circuits où ils étaient Non. habituellement performants. Malheureusement, ils ont, enfin malheureusement ou heureusement, parce que du coup ils ont été quand même plus performants que globalement sur pas mal de circuits. Mais on a un petit peu une aversion de ce qu'ils étaient l'an dernier sur la manière dont les circuits leur conviennent. Donc je suis pas sûr qu'au quota, même s'ils ont une évolution, tout le monde en aura, et je suis pas certain que. Ils ont un tout nouveau plancher, on sait chez Mercedes. Ouais, Oui. voilà, ça marche ou ça marche pas, mais Et en plus, oui, logique. l'asphalte a été refait et c'est un billard, donc du coup, ça va être très différent. Enfin, c'est un Alors, un billard pour l'instant, billard, parce que. c'est un billard américain ou un billard Ouais. français? C'est Non, un c'est billard. quand même un billard vallonné, mais ça reste un billard. A priori, c'est bien plus plat. Bon, de toute façon, le sol étant meuble, ça ne restera pas plat très longtemps. Mais normalement, c'est une année, et puis après, la NASCAR passe dessus, voilà, et puis c'est fini par... La moto a déjà tourné dessus ou pas ? Je t'avoue, je suis tellement pas la moto. Je crois qu'ils ont tourné, oui. Parce que c'était pour la moto qu'ils ont refait surtout les bosses, donc. Oui. Faudrait se repencher. Je sais que la dernière fois que la NASCAR y a tourné, il y avait pas encore le nouvel asphalte, mais je t'avoue que MotoGP, j'ai un peu décroché. Si vous mettez des voitures préhistoriques sur un asphalte comme ça, forcément. C'est vrai. Ça casse tout. Bon, bah ouais, c'était une émission assez courte, hein, on va dire. Ouais, on a fait assez court. Après, c'est vrai que bon, bah. Ça reste, c'était quand même une course qui était plutôt calme, donc il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire. On se garde un petit peu d'énergie pour. Alors déjà, il y a 4 semaines de pause, hein, le Grand Prix des États-Unis, c'est dans 4 semaines. On prendra la parole quand même entre si besoin pour l'actualité. Oui. Alors, on a aussi des petits agendas parce que forcément, on va aussi. Oui. Ça va, t'arrêtes quand même de taper dessus aussi. On a aussi des agendas, on a aussi un mois de pause, on va aussi profiter aussi pour Manu et moi chacun profiter de faire d'autres projets et d'autres choses. Et si par exemple on a une annonce RBFR notamment, on pense à eux, et qu'on est disponible le soir même, on fera l'émission le soir même. Si c'est pas le soir même, ce sera le lendemain. On fera sûrement un petit truc quand même, parce que ça reste une grosse annonce, surtout si c'est la fin de carrière de Ricardo, ça peut être bien de faire un petit mot dessus, on aura le temps, je pense. Exactement, donc voilà, et puis peut-être une autre émission, peut-être de reprise aussi. Si l'actualité s'est réveillée un petit peu, si ça reste assez soft, voilà, on verra, on avisera selon. On vous tiendra évidemment au courant, n'oubliez pas de suivre la chaîne si ce n'est pas encore le cas, comme ça au moins vous avez toutes les annonces comme quoi on est en live, et même si vous ne pouvez pas nous regarder en live, au moins vous savez qu'on est passé, donc vous pourrez ensuite nous regarder sur YouTube ou Twitch un petit peu, ou même en podcast. Enfin, je n'ai pas trop de podcasts du coup, puisque les émissions spéciales, on ne les met pas en podcast. Manu, tu écris sur quoi entre deux Racing Café pas fait ? Tu sauras bientôt. Et il y aura bientôt des petites choses qui vont venir. Voilà, en tout cas, on se retrouvera pour deux Grands Prix de soirée. Hein, des Grands Prix à plus de 20h, 21h. Je peux spoiler quand même ? Deux ? Je crois qu'un de tes livres s'appellera Manu, ma vie, mon œuvre. Ouais, c'est ça, je fais mon autobiographie et je l'écris tout seul parce qu'après tout, j'ai pas besoin de quelqu'un pour me l'écrire. Donc voilà, ce sera pas très long. Ça ira assez vite. En tout cas, ouais, des courses de soirée. Là, le prochain triple header, ce sera deux courses après 20h et puis une course à 19h. Donc ce sera qu'en soirée. Et après, il y aura encore 3 semaines de pause. Et 3 nouvelles courses après, je crois, si je dis pas de bêtises. On aime bien les courses de soirée et de nuit, hein, aussi. Ouais. Et alors, le triple header suivant, ce sera une course de matinée, puisque c'est Las Vegas le samedi soir, donc nous, ce sera dimanche matin, et deux courses de fin d'après-midi. Fin d'après-midi et début d'après-midi. C'est ça. Donc, ça va être une fin de saison assez diversifiée. C'est ça. Et puis après, ce sera Noël. Voilà, c'est ça. Et puis après, ce sera les essais hivernaux de la saison 2025. On aura peut-être quand même aussi, on peut le dire, une course de rookie. Oui. Entre 10 rookies. Ça a quand même l'air de se préciser, de se valider. Donc on aura les 10 voitures en piste. Je crois que ce sera mardi ou mercredi. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils feront cette course-là. Entre eux. Donc je ne sais pas si ça sera diffusé. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles là-dessus. Peut-être que sur F1 TV. Peut-être que. Voilà, c'est parce qu'effectivement, je ne pense pas qu'ils veuillent garder tout le temps les gens de Canal ou d'autres télés. Voilà, ou peut-être qu'il y aura un diffuseur qui restera pour diffuser sur F1 TV. Pas de nouvelles encore sur qui sera mobilisé, mais on vous le dira. J'ai prévu un petit article dans le courant de la semaine ou ce week-end sur qui peut participer pour le compte des 10 équipes. Tout à fait. Le plus probablement à cette course-là. Et pour répondre à Yves sur le chat, il prévoit combien de tours, ce serait un sprint. Oui, c'est ça. 100 km. Eh bien, voilà pour le tour d'actualité de la Formule 1. De toute façon, comme on vous dit, on se retrouve si jamais il y a des choses d'ici là. Hein. Et puis, portez-vous bien pendant ces 4 semaines. Profitez un petit peu de l'absence de F1 pour passer des dimanches un peu plus calmes. Suivez d'autres sports aussi si vous avez envie, parce que c'est vrai que ça prend quand même... Suivez la F1 sur Nation Auto, parce qu'on écrit quand même beaucoup. Évidemment, nous, on reste avec vous tout le temps ces 4 semaines, avec des journées remplies tout le temps d'articles, de news et tout ça. Donc... on compte sur vous pour rester pas très loin. Et puis, de toute façon, on se retrouve très vite. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis ce soir. Et puis, à très vite. Merci, à bientôt. Ciao.